Bonsoir tout le monde et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Histoire de fans de comics. Et bah, comme d'habitude, dans cette émission, le principe c'est de s'intéresser au parcours d'un lecteur en particulier. Pas forcément quelqu'un, pas forcément à chaque fois un éditeur ou quelqu'un que vous connaissez d'une manière absolument extravagante, mais toujours de s'intéresser à des profils particuliers. Je l'ai dit atypique, mais je suis pas sûr de comment tu vas le prendre, en vrai, donc je vais fermer ma gueule. Franchement, je vais le prendre bien, écoute, voilà, on peut se lancer là-dessus, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Mais de toute façon, dans l'émission, il y a toujours un moment donné où j'explique pourquoi je tenais particulièrement à inviter cette personne. Et tu auras droit aussi à ton petit speech. Et donc, vous l'aurez compris, j'ai l'immense plaisir de recevoir Aurélien, de son nom de scène sur les différents réseaux et sur sa chaîne YouTube, Joker. Je vais t'appeler Aurel. Ouais, c'est très bien, Aurel. On parle là-dessus, hein, parce que vraiment, ça sera plus simple pour tout le monde. Voilà, parce que ça va m'intimider, Joker. Je te mens pas. Je vais pas me sentir bien. Bon, c'est un petit personnage préféré, ça serait quand même dommage, quoi. C'est... J'aime bien ouais, le Joker, mais après, je sais pas si ça fait partie de mes vilains préférés. Et paradoxalement, j'ai quand même, c'est quand même avec lui qu'on a des sacrés moments de lecture. D'ailleurs, bah, pourquoi ce pseudo, du coup? Écoute, je t'avoue qu'il fallait trouver un truc à un moment, tu vois, quand j'ai ouvert ma page Instagram. Et comme c'est un peu compliqué, des fois, de trouver des petits noms, tu vois, je me suis juste rappelé, en fait, d'un truc à la con. C'était notamment sur, je crois que c'est dans le tome 3 du run de Snyder, en fait, la première apparition du tome 3 du Joker, où il revient récupérer son visage dans le commissariat de Gotham. Tout à fait. Et il a, je crois, justement, une sorte de combi un peu... C'est, de bricoleur. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et je crois que c'est ça le nom qui est marqué, c'est Joker, tout simplement. Et du D'accord. coup, je suis revenu, je me suis dit, bon, bah, vas-y, go. Puis, moi, c'était un personnage que j'ai découvert il y a longtemps aussi, que j'aimais bien. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, partons là-dessus. Ouais. Et le 730 a une signification particulière, tu peux peut-être pas le dire ou... Non, c'est un truc à la con aussi, c'est-à-dire qu'en gros, c'était, je crois que ça a dû être une fin de mot de passe depuis des années, etc. Dans les trucs, etc. Ah. Écoute, Joker, pour le coup, tu vois, ça ne rentrait dans rien. Tu vois, enfin, je veux dire, en fait, c'était déjà utilisé de partout, tiré du 8, tiré du 6, on s'en fout. Tu vois, donc, je me suis dit, bon, il faut rajouter quelque chose. Voilà. Mais c'est un vieux truc, ça date de 15 ans au moins. Donc, ouais. Un vieux mot de passe, hacker de tous les pays. Eh ben voilà, vous avez un début de piste. Pas une bonne choix, mais par contre, ça va être galéré pour vraiment trouver toute la partie avant, qui est déjà assez longue. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Bonne chance. En même temps, après, j'y connais rien du tout en informatique, mais je ferai attention quand même, parce que il y a des mecs qui sont quand même très joueurs. Pour le coup, c'est pas sur des trucs vraiment extrêmement importants, donc je t'avoue que c'est pas très grave. Tu vois. Alors ça va. YouPorn, Pornhub, ça se reconstitue assez facilement. Voilà, le basique. Et donc, bah voilà, tu connais un petit peu le principe de l'émission. Ouais. Bah évidemment, bah c'est de discuter un petit peu avec toi de ton parcours de lecteur et puis bah de ta manière aussi actuelle bah de vivre un petit peu cette passion des comics, parce que tu es quand même un sacré passionné de comics. Oui, on peut le dire. Et du coup, alors, vraiment, mes premières questions, est-ce que tu te rappelles de ton premier comics ou même plus largement de tes premières lectures quand tu étais enfant qui ont pu te marquer? Un comics, autre chose ou... Ok. Eh bien, écoute, du coup, ça va être en deux parties ma réponse déjà. On va commencer par ça. Par des questions, du coup. Il y aura deux points, je ferai une conclusion, ok. Parce une dissertation, hein, faut le savoir, donc voilà. Alors, en gros, tu vois, comme je disais en off tout à l'heure, j'ai réfléchi longtemps à la question parce que je savais que ça allait tomber forcément la première lecture, et je t'avoue qu'en fait, j'y ai réfléchi vraiment pendant longtemps, et vraiment, je n'ai pas un souvenir précis d'un truc, vraiment d'une lecture très marquante, c'est-à-dire que je sais que depuis assez gamin, je lis pas mal de choses, etc., qui me tombent sous la main, que ce soit de la BD, d'autres petits trucs, des petits romans jeunesse, etc., mais j'avais rien comme ça qui me venait vraiment très fort en tête. Du coup, bon, un début de live, du coup, début de vidéo, pas fou, mais je dis live. Mais on va dire que je vais pas faire dans l'originalité, mais après, ça dépend qu'est-ce que tu appelles enfance. Ça va jusqu'à où pour toi, tu vois? Genre, tu irais jusqu'à où? Oh, mais tu te démerdes après, tu le classes où tu veux, mon pote. Personne n'ira vérifier, quoi, de toute manière. Non, mais j'ai donné une petite. Non, je dirais que tu vois, le en plus, je suis en plein dans ces questions existentielles avec l'entrée au collège. Oui. Pas pour moi, mais évidemment. Mais c'était un petit moment pour Pépère. Mais je dirais que tu vois, à partir du collège, pour moi, ça y est, on est en train de quitter l'enfance, on n'est plus sur l'adolescence. Okay. Et je dirais que lycée, ça y est, quoi. C'est déjà plus un moment où tu commences à te forger des armes d'adulte, je trouve. Voilà, Ouais. pour te donner à peu près une fourchette. Ok, ça marche. Bah écoute, dans ce cas-là, pour le coup, dans les lectures vraiment d'enfance, effectivement, j'aurais plus des idées de BD où Ouais. on va être sur du très classico Tintin, tu vois, par exemple, où il y avait le côté un petit peu aventure qui me plaisait bien à l'époque. Il y a des choses qui ont bien vieilli et mal vieilli hein, dans les BD, certains tomes en particulier. Mais par contre, ouais, je sais pas, il y avait le côté vraiment aventure qui me plaisait beaucoup et c'est vrai que ça, c'est une lecture assez marquante. Dans le sens où je crois que j'avais vraiment tous les tomes à la maison. Enfin voilà, mes parents avaient récupéré ça. Après, il y a dû avoir aussi, tu sais, quelques tomes, on va dire, de séries vraiment pareil classiques, du Spirou, du Petit Spirou, du Marsupilami, du Gaston Lagaffe. Il y avait un peu tous ces trucs-là qui, je pense, ont dû être tombés dans les mains de pas mal de gamins, que ce soit de l'époque ou de maintenant. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu pareil. Ouais. Donc voilà. Ça, c'était pour ça. Et après, le seul truc que je me rappelle, et ça, pour le coup, ça a pris vraiment un coup de vieux, mais ça me fait penser les petites lectures un peu jeunesse, tu vois, genre Club des 5 et ce genre de trucs. Tu vois. Alors ça date aussi, pareil. J'ai lu Mais, des clubs des cinq eh oui, avec eh le chien oui. Dagobert. Je me rappelle que de Dagobert. Bah, je crois que c'est un peu pareil. Hein. Voilà, mais oui, c'est Mais ça. si, mais j'aimais bien le club des cinq. Moi, pour l'époque et tout, effectivement, j'aimais bien. Quand j'étais gamin, je disais ça, c'était cool. Dans le sens où c'est clair que, par contre, que tu vois, quand j'essaye même d'y repenser maintenant avec mes souvenirs de maintenant, il y a vraiment un côté où c'était. Bon, clairement, ça vraiment. Enfin, les gamins, quand ils parlent, enfin, gamins, je ne me rappelle plus exactement l'âge qu'ils ont dans les bouquins, mais franchement, ils parlent vraiment tous comme des adultes, plus ou moins. Enfin, je trouve qu'il y a un côté vraiment qui est. Bon, voilà. Qui est pas fou là-dessus, mais pour l'époque ça faisait bien le café, je trouvais. Et puis en fait, surtout le côté pareil, il y avait le petit côté enquête, mystère, etc., qui me plaisait bien, quoi. Ça te faisait pas penser rétrospectivement alors, je sais pas si tu regardais le dessin animé, mais à Scooby-Doo. Oui, bah ouais, il y a carrément de ça hein, pour le Moi, coup. ça me Et j'ai faisait lu, vraiment penser à ça, ouais. ouais, bah ça c'est clair qu'à mon avis, bah après, je t'avoue que je ne sais pas à quelle époque, quelle année les bouquins ont été écrits. Tu vois, Ouais, on va te demander plus tard. C'est pas c'est si grand vieux ça. parce que je sais que je suis nettement plus vieux que toi et quand moi je le disais, c'était déjà vieux. Ouais, mais c'est ça. Donc au final, bon, voilà. Après, tu me diras, Tintin, c'est pas tout neuf non plus. Hein, donc au final, voilà, il y a des Ouais, trucs. c'est clair. Mais oui, après, effectivement, mais c'est ça le côté un petit peu mystère où tu as envie, quand tu es gamin, je pense pareil, comment dire, tu t'associes un petit peu à ces jeunes, entre guillemets, que tu vois pareil résoudre leurs enquêtes à leur niveau, etc. Alors, il arrive des trucs de malade, mais Ouais. je sais pas, ouais, il y a ce côté un petit peu où tu te dis, ah tiens, je vis un petit peu mon aventure en même temps avec eux, tu vois, c'est plutôt cool. Donc, ouais, ça, c'est un peu les petits souvenirs que j'ai, on va dire, les plus marquants. Il y en a sûrement d'autres, mais je t'avoue que je les ai un petit peu oubliés, je pense. Et le dernier qui me vient, bah forcément, ça va être le pur classique Harry Potter. Ah Harry ouais, Potter, ah parce bah ouais, toi t'es de que cette génération. exactement, exactement, j'étais vraiment pile poil dedans, d'autant que quand j'ai découvert le premier tome, c'était totalement à 10 ans. 11 ans, enfin juste un peu avant l'entrée au collège, et donc ça correspond pile poil à aussi ce qui se passe dans le bouquin, l'âge du protagoniste, etc. Donc forcément, c'était nickel pour moi, quoi. Et puis oui, c'est ça, c'est le côté générationnel pour le coup. Effectivement, je pense que tous les gens qui ont à peu près mon âge, voilà, ont tous grandi avec ça, quoi. En T'as tout quel cas, âge maintenant. déjà? Là, je vais en avoir 32, voilà. Donc ouais, c'est à peu près cette période. Je crois même que le premier tome, il était sorti vraiment quand même quelques années avant. Mais moi, j'ai découvert à cette période-là. Et voilà, ça a fonctionné du feu de Dieu parce que, bah voilà, l'univers était quand même plutôt, en tout cas, même enfin, pour l'époque, je trouvais vraiment bien foutu, bien écrit. Le côté magique, forcément, je pense que quand t'es gamin, ça fonctionne forcément toujours. Donc, Et puis, je sais pas, c'était prenant l'ensemble des relations entre les protagonistes, etc. Ben, vraiment, il y avait un truc qui fonctionnait super. Et je trouve que les bouquins, ils ont évolué et grandi et gagné en épaisseur en même temps que les lecteurs aussi, tu vois. Ouais, complètement, complètement. Et gagné en noirceur aussi, d'ailleurs. Ouais, carrément. Même si dès les premiers, tu as deux, trois trucs qui sont quand même, comment dire, toi, tu m'associes au film, en fait, qu'ils ont adapté. Il y a déjà des trucs qui pouvaient faire flipper peut-être des gamins à l'époque, mais c'est vrai que plus tu avances, forcément, bah, le personnage grandit, etc. Il a ses problèmes d'ado qui arrivent, plus la noirceur du monde dans lequel il évolue qui augmente aussi. Donc, oui, ça c'est clair, ça évolue bien avec le temps. Et il y a le côté passage, entre guillemets, à l'âge adulte qui se produit en même temps que les bouquins. Ouais. Parce que je pense que c'est plus ou moins pareil. Je pense que quand le dernier est sorti, j'avais pas le même âge, mais c'est juste que je pense que ça a dû sortir à peu près en même temps que les derniers films. Ils ont dû arriver 2007-2008, je dirais, le dernier peut-être, de bouquins. Je te dirais une bêtise. Non, mais t'inquiète, hein, c'est un peu de soucis. J'ai à peu près les souvenirs que j'ai, mais je crois que c'est à peu près ça, il me semble. Mais oui, c'est ça. Et puis, c'était surtout c'était l'événement, en fait. Quand tu avais un nouveau tome qui sortait, c'était vraiment un événement de malade, quoi. Enfin, vraiment, quand je me rappelle, je crois que c'était pour le tome 6, il y avait vraiment le côté où, genre, le jour même de la sortie, genre, je m'étais réveillé hyper tôt. J'avais dit à mes parents, bon, hop, c'était un jour où il n'y avait pas d'école, donc c'était cool. C'était en mode, bon, bah voilà, là, 9h, ouverture de la librairie, je suis devant, je récupère mon tome, je rentre, et après, je sais que je suis rentré, et c'était même pas, je déjeunais, quoi que ce soit. C'est genre, je prenais mon bouquin, je me mettais sur mon lit, et c'est parti, la journée pour dévorer le truc, même en une fois, quoi. C'était un ah peu. Ouais. Ah ouais, voilà. Donc voilà. Ça fait des super souvenirs de lecteur, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et tu restes fan encore maintenant de l'univers Harry Potter? Alors, sans être un immense fan, en fait, je suis vraiment très attaché, je pense, sentimentalement parlant. En fait, il y a un truc qui est forcément de la nostalgie. Donc ouais, tu vois, j'ai revu même les films pas mal de fois. J'avais joué à des jeux vidéo à l'époque. Mais j'ai relu les bouquins, je pense, j'en sais rien, honnêtement, peut-être une quinzaine de fois chacun, vraiment. Tu vois, c'est drôle parce que moi, ils sont juste là, tu vois. Et de mémoire, quand on avait commencé à les lire, c'était sorti jusqu'à la Coupe de Feu. Et après, c'est le Prince de Sang-Mêlé. C'est l'Ordre du Phénix, avant le 5. Ah ouais, l'Ordre du Phénix, ouais. Alors, c'est à partir du Prince de Sang-Mêlé qu'on avait... Enfin, qu'on attendait les sorties, quoi. On avait rattrapé le tout, quoi. Ouais. Et ouais, c'était une sacrée claque aussi, mais moi je devais avoir 30 balais, quoi. Peut-être un peu moins. Un peu moins parce que. Oui, forcément un peu moins, j'avais pas d'enfant encore. Ouais, mais oui, parce que j'essaie de réfléchir, moi je crois que j'étais au collège à ce moment-là, ou alors début de lycée, tu vois. Quand les derniers sont sortis, je pense que j'étais au lycée, donc ça doit être ça. Mais oui, c'est ça, je crois que le 5, quand il est sorti, j'étais genre en 5e, 4e, un truc du genre, donc ça correspond à peu près dans cette zone-là, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Encore comme univers. Et sinon, dans tout ça, le premier comics. Eh ben, le premier comics, il est arrivé bien plus tard. Justement, c'est pour ça que je disais qu'il y aurait un peu deux parties, parce qu'en fait, alors, tu vois, c'est marrant parce que je crois que c'était il y a quelques années, j'avais une discussion comme ça avec quelqu'un sur. Mais en gros, où j'avais donné le premier comics qui était pour moi vraiment impactant, et le mec m'avait dit, mais en même temps. Est-ce que quand tu es plus jeune, tu n'as pas lu, genre, par exemple, des Spirou, des Donald, des genres de trucs? Et c'est vrai qu'en fait, oui, effectivement, quand j'y repense, bah oui, forcément, oui, j'en ai lu, effectivement, quand j'étais gamin. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée, tu vois, de la différence qu'on pouvait faire entre comics, BD, manga, tout ça. Enfin, vraiment, c'était pas à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, OK, là, je suis en train de lire un comics, ou voilà, je suis genre, C'était de la BD, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de la bande dessinée, comme n'importe quelle autre bande dessinée que j'aurais pu lire, du Gaston, du Spirou, voilà, n'importe quoi, enfin, vraiment, ça aurait été la même chose. Du coup, c'était pas forcément le truc le marquant. Par contre, du coup, je pense que le premier vrai comics, ça va être un truc vraiment plutôt mainstream, mais en gros, à l'époque, je regardais beaucoup la série Walking Dead, voilà, série télé. Je pense qu'à ce moment-là, ça devait être la troisième saison diffusion, je crois. Et je pense que j'ai tellement casser les couilles à une de mes ex, où en fait, à un Noël, je me rappelle, elle m'a offert les deux premiers tomes du coup du comics. Ouais. On a Delcourt, souple là, le plus basique. Et du coup, ouais, j'ai lu ça, ça m'a mis une énorme tarte. Tu m'étonnes. Parce que, voilà, en tant que fan de la série, je voyais déjà les différences que le comics avait, en fait, et la direction opposée qu'ils avaient pris plus ou moins pour certains personnages, etc. Et oui, le mélange est fou. Et de voir la différence, justement, entre le premier tome qui était déjà dessiné par Tony Moore, oui. Puis le deuxième par Charlie Adlard. C'est comme ça, c'est vraiment à partir de là que Adlard a commencé à dessiner toute la suite de la série. Déjà, la différence, moi, m'avait sauté aux yeux et tout, je trouvais ça assez, je pense, sur le coup, un peu bizarre, tu vois, qu'on change de dessinateur comme ça sur une série, mais parce que forcément, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore un peu le monde du comics et tout. Et sur les séries indées, en général, tu gardes le même dessinateur, mais tu vois, enfin, il y a beaucoup de changements de dessinateurs qu'on n'a pas forcément oui, sur oui. Le belge, ou le manga même. Et du coup, ouais, je pense que ça, c'est vraiment ma grosse start. Et à l'époque, j'étais à la fac. J'étais à la fac et je sais que le soir, au lieu de bosser, il se peut peut-être que je rentre. Ah bravo. Ah, écoute, je balance comme ça, voilà, c'est pas grave. Je savais qu'on aurait des dossiers, je savais, ça arrivait plus tôt que prévu. À mon avis, des gens à la fac qui ne bossaient pas, je pense qu'il n'y a pas que moi. Hein. On va toujours apprendre à connaître. Donc... mais oui, en fait, je rentrais de cours et je sais que, je crois que c'était, ouais, comme j'ai dit, c'était Noël 2012 que j'ai eu les deux premiers. Et je crois que fin janvier 2013, on avait la sortie du 17e tome, si je ne dis pas de conneries. Et je pense qu'en un mois, en fait, je me les suis tous bouffés, je les ai tous achetés. Où vraiment, je rentrais de cours, j'allais à la librairie, j'en prenais un, je rentrais chez moi, je le lisais. Et là, je me disais, j'ai été con, j'aurais dû en prendre deux. Et du coup, j'y retournais pour aller en chercher un deuxième. Etc. D'accord. Voilà. On était vraiment sur ce niveau-là d'envie d'être à fond dans cet univers-là. Et ouais, c'était surtout le début de la série. Moi, je me rappelle, c'était le début de la série du comics, hein, j'entends. Ouais, ouais. Non, c'était tellement une claque absolue. Enfin, vraiment, je trouve que le scénario de Kirkman, l'évolution des personnages, etc., c'est vraiment, mais c'était magistral. Moi, à l'époque, vraiment, c'était quelque chose qui m'est resté très, très fort en tête. Et c'est toujours le cas. Hein, dans un sens, moi, j'adore toujours l'univers. Je suis très content. Tu vois, maintenant que le comics est fini, vraiment, moi, j'ai versé ma petite larme, j'avoue, à la fin du comics, parce que, ouais, ça a été le truc qui m'a fait découvrir ce monde-là. Donc, ouais. Me spoil pas, parce que du coup, j'ai pas fini, moi. T'inquiète, aucun spoil, il n'y a pas de problème. J'ai commencé il y a très très longtemps, quoi que je tue, Walking Dead, et je l'avais déjà raconté, ça, je crois, et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à l'arrivée de Negan, où ça m'a mis une... ça m'a mis une claque, dans le sens où j'ai arrêté de croire à la possibilité en fait de cet univers. Je trouvais qu'il y avait trop de, je vais être grossi mais désolé, mais je trouvais qu'il y avait trop d'enculés au mètre carré, trop de gros abusés. Enfin, je veux bien croire qu'il y ait des monstres qui naissent à ce point-là, mais j'avais beaucoup de mal après le colonel à voir Negan. Et du coup, ça m'a mis un coup d'arrêt. Moi, je prenais les tomes, la version prestige, je crois que c'est. Chez Delcourt, jusqu'au tome 11, et puis bah, j'ai eu un coup d'arrêt, j'ai arrêté là, alors que j'ai vraiment aimé mais les 10 premiers tomes, et il y a quelques, bon, ça fait déjà un moment, mais il y a quelques temps de ça, j'avais fait une histoire de fan de comics avec Bruce Tringle, qui m'en avait merveilleusement bien parlé de Walking Dead, et vu que je suis d'une faiblesse bien connu, je régulièrement en fait quand j'ai une semaine, un mois où il n'y a pas trop de sorties, eh ben, je me prends un petit Walking Dead, tu vois. Et là, c'est quand ? Fin de semaine dernière, j'ai acheté le 14 et donc je sais qu'il me reste 15 et 16. Okay. Petite anecdote de merde qui sert à rien. Mais, mais du coup, après, il y a plein de trucs que je ne me rappelle pas et j'ai envie de tous les racheter et de tous me les faire. Ouais. Alors, si je craque pas avant, parce que 16 tomes de Walking Dead, je pense que ça peut vite m'attaquer le cerveau. Mais j'ai envie de me replonger dans cet univers sombre, sale, et en même temps aussi avec quand même, malgré tout, quelques petites notes d'espoir qu'il faut savoir trouver au milieu de ce bordel. Mais Il y en a quelques-unes, ouais. C'est vrai qu'après, il a tendance, Kirkman, à te les enlever très rapidement. Tu vois, il te les donne un petit peu avec les... Hop, petite capture. Bah. c'est ça, c'est un peu là comme l'autre aussi de Game of Thrones. Ah, il y a l'autre de Game of Thrones, là j'ai mangé son nom, mais c'est, enfin, je crois que c'est pire que toi. Hein. Ouais. Tous mes jouets, Martin. Ah, il aime bien. Attends, ah ouais, c'est devenu un petit peu son truc, mais oui, c'est vrai qu'en fait, Cartman, pour le coup, tu vois, le début du run, moi, je peux comprendre ton ressenti par rapport à l'arrivée de Negan, parce que même si c'est pas vraiment la même chose, tu vois, c'est pas vraiment le côté, il y a trop de connards au mètre carré, c'est pas vraiment ça qui m'a fait un peu avoir des doutes des fois sur la série. C'est vraiment qu'en fait, je trouve qu'il démarre très bien en fait ses nouveaux arcs. Ouais. Chaque arc en fait narratif, vraiment, je les trouve vraiment fabuleux. Genre, juste même la période encore avant Negan, je trouve que l'évolution totale, même des personnages de Rick, etc., qui a été d'ailleurs plutôt bien géré, je trouve, dans la série, où il devient de plus en plus violent et en mode pareil, un petit peu dictateur, ça pour le coup, ça fonctionne très très bien. Et ouais, l'évolution des personnages en général était au top. Et effectivement, l'arrivée de Negan, en fait, où je me suis dit, en fait, la fin de cet arc-là, je te sens spoiler quoi que ce soit, c'est vrai qu'en fait, je crois qu'il y a eu. Donc, à partir de là, il y a trois derniers arcs, en gros, pour clôturer la série, vraiment. Et en fait, le début de l'arc est vraiment excellent. Et la fin, à chaque fois, je trouvais que ça pêchait un peu. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, bah, du coup, tu commences avec un truc genre assez fou. Et la résolution, ou tout du moins ce qui amène après, pas non plus forcément, pas forcément incroyable. Il y a toujours des coups d'éclat. Ça, par contre, ça, je reconnais que là-dessus, il est très fort, parce que même si je trouve ça un peu moins bien, bah, il y a quand même des moments qui sont très marquants. Par contre, effectivement, c'est peut-être la qualité des fois, il est un peu en dents de scie, et c'est dommage. Mais après, moi, ça restera une série de cœurs absolus. Et est-ce que la manière dont il a annoncé la fin de sa série, en fait, t'as bluffé? Qu'est-ce que t'as ressenti en fait au moment où l'info elle est tombée? J'ai trouvé ça assez fou parce que c'est vrai que même en regardant les avis un petit peu de tout le monde, c'était. Ouais, je crois qu'il avait annoncé, je crois, encore 4 numéros après la sortie du dernier. Et vraiment, en fait, il avait dit, bah non, en fait, là c'est le dernier. Il n'y en aura plus. Au revoir. Et c'est vrai que bah, je me dis juste, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que déjà, parce que je ne connaissais pas forcément. Je ne suis pas non plus au fait de tout, donc peut-être que ça c'est déjà arrivé. Mais en même temps, quel scénariste ou quel mec de l'industrie a assez de poids en fait pour pouvoir faire ça? Tu vois, et en étant en plus totalement serein dans son annonce. Tu vois, c'est vraiment en mode c'est bon, je fais ça et je peux me le permettre en fait. Ça, c'était fou. Enfin, je trouve que vraiment, et en même temps, ça a été un tel carton que enfin, les ventes de Walking Dead, c'est un truc de fou. Donc oui, c'est assez incroyable de ce côté-là. Mais moi, ça m'a rendu un peu triste. Et en même temps, je me dis, bon, il y a eu quoi, 193 numéros, je crois, si je dis pas de conneries. 193 numéros. Donc, en vrai, c'est quand même assez énorme, quoi. Donc, Ouais, c'est une belle voilà. vie. Ouais, c'est une série quand même au long cours. Donc, et puis, encore une fois, sans spoil, moi, la fin, non seulement m'a fait pleurer, mais parce que je pense qu'il y avait un côté où, ah, c'est la fin de ma première vraie série de comics que j'ai commencé il y a tant d'années. Donc, Ouais. déjà, il y avait le côté émotionnel. Et puis parce que je trouvais qu'en fait elle clôturait vraiment parfaitement en fait la série, D'accord. le propos en général ou l'évolution des personnages et surtout leur point d'arrêt, vraiment c'était très bien comme ça. Et enfin, je pense, j'ai jamais forcément imaginé une autre fin, je ne suis pas réfléchi là-dessus, mais elle est très très correcte par rapport à ça, donc c'est très cool, voilà. Il le vend bien, il le vend bien lui aussi. Il le vend bien. Alors on verra si t'accroches ou pas, il faut déjà y arriver à la fin. Déjà, tu as encore quelques arcs encore à bouffer, donc on va voir. Ouais, mais ça, j'y arriverai. Ça, je et ça fait vraiment partie des trucs que bah, du coup où j'ai envie vraiment d'aller au bout. Et à la limite, peu importe ce que je pense de au-delà du tome 11, peu importe, je sais que juste déjà les 11 premiers tomes en soi, c'est une expérience de fou. Complètement. Ouais, Vraiment, complètement. c'est vraiment dingue. Et est-ce que pour toi, vraiment juste une question qui me pop dans la tête comme ça, mais est-ce que pour toi, Walking Dead, c'est encore un comic indé ou est-ce que ça fait partie du mainstream comme Marvel et DC? En T'as vrai, 2 heures. ça pour le coup, on repart dans la dissertation, là, du coup, là, c'est chaud. Non, Pour mais c'est une moi, vraie question parce que c'est des trucs, en fait, j'ai déjà entendu, tu vois, il y en a qui me disaient, ah ben non, Walking Dead, je suis désolé. Étant donné que ça a rencontré du succès, qu'il y a une série télé, bah, c'est plus de l'indé. Et si ça n'avait pas marché, bah, ce serait de ouais. l'indé. Ah bon? Bah oui, c'est ça. Mais alors le problème, c'est que dans ce cas-là, je sais pas, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est parce que ça a eu une adaptation ou est-ce que ça parce que ça a marché? Parce que dans ce cas-là, des séries indé qui ont eu des adaptations pas toujours réussi d'ailleurs en série ou en film. Bon, il y en a plein. C'est pas pour ça que c'est du mainstream, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, je pense à Umbrella Academy, par exemple, un truc basique, mais c'est vrai que le comics, pour le coup, il est ultra indé. Le style de dessin, la narration de Gérard Way, je veux dire, c'est. Enfin, faut rentrer dedans, quoi. Je peux comprendre que ce soit pas pour le public, donc pour moi, c'est pas vraiment mainstream. Walking Dead a quand même un truc, c'est que effectivement, c'est beaucoup plus, je vais dire, grand public, même si c'est un truc très violent, etc., très noir, et que ça conviendra pas forcément à tout le monde. Mais par contre, non, pour moi, je le garde dans l'indé, parce que ça a quand même pas du tout la même logique, je trouve, que ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire DC, Marvel, globalement, dans le comics, en tout cas. Donc, ouais, non, j'aurais tendance à le classer encore dans l'indé, mais c'est vrai que je peux comprendre que si on parle uniquement en termes de vente, etc., bah oui, c'est un truc ultra grand public, donc c'est encore compliqué. Mais le modèle fait que moi, je le garderais plutôt dans l'indé, pour le coup. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis. Moi, pour moi, dans ma classification, on a tous la nôtre, hein, mais Marvel et DC, c'est les deux grandes boutiques de comics de super-héros, donc c'est, pour moi, enfin, c'est vraiment le mainstream. Après, pour moi, tu as tout le reste, c'est de l'indé, et de temps en temps, au milieu de l'indé, tu as pour moi vraiment de l'ultra-indé. Vraiment, c'est genre, quand moi j'étais au collège ou au lycée, les mecs qui passaient des cassettes de trois mecs à côté de Grenoble qui jouaient dans leur garage, tiens, écoute ça, tu vois, c'est trop bien, c'est indé, non, c'est pas indé, c'est personne connaît, ouais. c'est au-delà d'indé, mon pote, c'est... Ouais, mais t'as des trucs en fait qui sont super bien et qui peuvent être publiés en fait chez des éditeurs francophones. Donc ça veut pas dire que c'est de la merde ni quoi que ce soit, mais je trouve que même dans la classification de l'indé, tu vois, par exemple les Tortues Ninja, oui, c'est de l'indé, mais est-ce que je peux le classer au même niveau qu'un truc qui sort chez Comics Initiative? Jamais de la vie. Oui, non. Jamais de la vie. C'est pas les mêmes boîtes, c'est pas les mêmes structures, c'est faut pas déconner, tu vois. Et j'ai toujours du mal en fait avec cette confusion des fois. Enfin, je trouve qu'on mélange trop que sous le chapeau indé on met trop de choses. Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui. En plus, ton exemple des Tortues Ninja pour le coup, il est très bon parce qu'effectivement, c'est un peu le haut de l'indé, quoi. Enfin, c'est vraiment effectivement à la limite du mainstream. C'est plus le fait. En fait, ça dépend ce que t'entends par indé. En fait, si tu parles vraiment que du comics, pour moi, ça restera de l'indé, effectivement. Mais le truc, il a eu tellement d'adaptations, tellement de produits dérivés, tout ce que tu veux, que c'est vrai que ça devient compliqué à classer, je sais pas moi, la même chose qu'un Strictus, par exemple, même s'il a eu son adaptation aussi, mais on va pas en parler. Mais voilà, mais c'est vraiment quoi, c'est autre chose, c'est vraiment un autre truc. Mais par contre, comme les Tortues Ninja, moi, je sais pas, il y avait aussi, je pensais à du Hellboy, par exemple, ou du Spawn. Ouais. Pareil, mais peut-être parce que ça me fait aussi beaucoup penser à des moments, à des liens avec du super-héros. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que je le classe, tu vois, un petit peu au-dessus. Mais dans ce cas-là, je sais pas, pour moi, en contre-argument, même si maintenant il y a aussi une série, donc bon, ils font chier à tout adapter, mais en même temps c'est cool. Mais par exemple, Invincible, là pour le coup, je le classe même en dessous des Tortues Ninja pour l'instant. Tu vois, c'est vraiment le côté, c'est vraiment des strats d'indé. Tu vois, c'est vraiment on fait des strats, mais c'est un peu ça. Et paradoxalement, qui réutilise tous les codes du mainstream. Totalement. Ah bah oui, c'est l'inspiration, elle est totale là-dessus, donc ouais. Mais qu'il les pousse... Moi, je me suis arrêté pour l'instant à Conquest. Donc, si tu veux Conquest... Alors, moi, je crois que je me suis arrêté dans... Alors, c'était avec les anciens volumes de Delcourt, les volumes simples, avant qu'ils fassent les intégrales. Ouais. Je crois que j'ai lu les 10 ou 12 premiers, à peu près. J'en suis là. Et les intégrales, en fait, je voulais attendre vraiment que tout soit sorti pour pouvoir me les faire à la suite. Donc, pour l'instant, je ne suis pas allé plus loin que... ces arcs-là. D'accord. Au grand regret, par exemple, Danto, que j'embrasse, évidemment. Voilà. Mais qui a bien fait du forcing pendant des années pour Invincible, et avec à raison, pour le coup. Mais tu vois, c'est cool, justement, qu'on parle d'Invincible, parce que c'est vrai que, toi, je sais, justement, vu que je regardais quand même, que je te suis un petit peu tes vidéos depuis quelques années, du coup, je sais qu'Invincible, au début, ça n'a pas du tout été ta cam, donc voilà, mais de voir l'évolution en fait, de la vie et tout, c'est assez cool, quoi. Surtout pour une série comme ça. Donc. Ouais, et puis c'est un truc, je suis vraiment coutumier du faire, notamment sur des... parce que je me rends compte, ça m'a fait... du coup, pareil avec Department of Truth. La prononciation, je dois faire toujours attention. Et, et, Et je me rends compte aussi que ça me fait quand même essentiellement ça avec des récits qui sont hors de ma zone de confort, Marvel et DC, tu vois. Et je me rends compte que j'ai du mal, tu vois, à aller sur des récits indés. Et paradoxalement, sur toutes ces dernières années, les plus grandes et les plus belles claques que j'ai pu prendre, c'était sur des récits indés. C'est bizarre, hein, mais... Après, bizarre, je sais pas, après, en même temps, tu vois, DC et Marvel, tu es aussi un ancien lecteur de comics, et du coup, tu vois, ça, je pense que c'est quand même pas mal d'années maintenant que tu lis aussi ces formats-là, et Marvel, DC, je pense que tu aimeras toujours pour le côté aussi un peu, il y a aussi, je pense, de la nostalgie qui joue, mais en même temps, les plus grosses claques maintenant que tu vas prendre, c'est peut-être sur d'autres univers, justement, parce que, DC et Marvel, j'aime aussi, tu vois, vraiment beaucoup, mais ça a tendance, du coup, forcément, à se répéter beaucoup, à revenir sur les mêmes thématiques, à faire plus ou moins le même genre de récit régulièrement, à moins qu'un auteur ait vraiment une très bonne idée pour apporter du neuf. Oui, il y a toujours des pépites au milieu, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais du coup, effectivement, pour de la pure découverte et quand tu as vraiment envie de nouveautés, je pense, ou de lire des choses que tu n'as pas l'habitude de lire, forcément, ça va être plus sur de l'indé que tu vas aller te diriger. Alors, quand je dis indé, ça peut être comics, manga ou BD, tu vois, ça dépend des lecteurs. Mais voilà, ça va forcément être sur ce genre de récit-là parce que c'est là que tu vas trouver, comme je disais, de la nouveauté, quoi, dans un sens. Donc, voilà. Et si on reste juste sur la thématique, tu vois, des différentes grandes maisons, toi, à l'heure actuelle, est-ce que tu serais plus Marvel, DC ou indé? J'ai déjà un peu la réponse. Actuellement, ça sera plutôt indé, je vais pas te mentir. Alors, le fait d'avoir commencé par Walking Dead, je pense, joue aussi parce que, du coup, je vais donner des infos et je vais essayer de pas trop me perdre là-dedans dans ta question, mais du coup, effectivement, ça va être compliqué de faire mes points. Je suis désolé, moi je suis pas forcément très structuré, tu vois, c'est vraiment. À droite de l'écran, j'ai mon petit chapeau de différentes questions et de thèmes où je sais en fait où je veux aller. Et puis je me rends compte qu'en fait, ça va un peu dans tous les sens, mais comme une discussion dans la vie, quoi. Et c'est ça qui me plaît. On va bifurquer un peu, il n'y a pas de problème. On va prendre le petit chemin de travers, ça va être bien. Du coup, c'est plus l'indé parce que j'ai commencé par Walking Dead. Et en fait, le truc, c'est que les super-héros, j'ai commencé vraiment juste après Walking Dead. En fait, Walking Dead m'a vraiment fait plonger dans le comics. Et on me le dire beaucoup plus même dans la BD en général, parce que tu vois, je t'ai donné des exemples avant de BD que je lisais, mais j'étais pas non plus, j'en lisais très régulièrement, mais de là à me dire vraiment je suis fan du médium, en fait, c'était pas vraiment le cas, tu vois, c'était en mode genre vraiment c'est cool, je passe un bon moment, voilà, mais c'est une distraction comme une autre. Alors que Walking Dead, pour le coup, m'a vraiment fait plonger dans ce médium là et c'était du coup assez nouveau pour moi, donc c'était très cool. Et il y avait plein de choses à découvrir, donc ça, c'était super. Mais les super-héros, j'ai plus découvert via la série animée Batman quand j'étais gamin, avec la série de Bruce Timm et Paul Dini notamment. Pour moi, reste une masterclass absolue. C'est vraiment, là pour le coup, un très gros souvenir et qui fait qu'aujourd'hui, Batman, c'est toujours un de mes personnages favoris, vraiment. Ouais. Et du coup, oui, il y a le côté, je serais toujours plus du côté de l'indé parce que j'en lis vraiment beaucoup, je lis beaucoup de choses différentes, on va dire, dans différents formats, différents éditeurs, enfin vraiment de tout. Mais par contre, du coup, si je dois choisir entre DC ou Marvel, du coup, ça serait plus DC parce que j'ai plus d'exemples de choses de DC que j'ai connues en premier, peut-être hormis les films Spider-Man de Rémy que j'adore aussi d'ailleurs, mais c'était plus ou moins la seule. Et les Missions Impossibles aussi, mais là c'est encore autre chose. Là c'est un autre débat. On sort un petit peu du cadre, mais oui, il y a ça. Non, c'est juste pour faire plaisir. J'ai un cahier des charges. Je dois faire plaisir à notre ami en commun. Donc à un moment donné, il fallait que je place quelque chose. Il y a des mots-clés à placer, j'ai compris. T'inquiète, il n'y a pas de problème. J'essaierai de les repérer au fur et à mesure, pas de souci. Non, mais voilà. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment Marvel, en fait, pour le coup. J'ai jamais été. À fond plongé dedans. Moi, j'ai pas connu les périodes de Strange et ce genre de choses, de magazines, etc. J'ai vraiment pas eu ça quand j'étais gamin, ni ado d'ailleurs. Donc du coup, c'est ce côté-là déjà de Marvel, j'avais moins. Les quelques films que j'ai vus, comme j'ai dit, Spider-Man de Rémy, les X-Men, par exemple, les premiers, etc. aussi que j'aimais bien. Mais pour moi, en fait, jamais non plus été passé le pas en fait de passer du film au comics en fait. OK. Tu vois, et en fait, ça c'est vraiment arrivé après Walking Dead où en gros, je me suis dit, ok, Walking Dead, là je dois faire une pause parce que bah, le prochain tome n'est pas sorti. Mais par contre, j'ai vraiment envie de continuer à lire, en fait, j'ai envie de continuer à lire ce genre de truc. Qu'est-ce qui existe? Et à cette époque-là, j'étais dans une, bon, j'allais dire une petite ville, mais c'est, je crois, 30 000, 40 000 habitants, donc c'est quand même pas horrible. Et il y avait une petite librairie BD, en fait. Et du coup, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai pu tomber sur des trucs et tout que j'aimais bien. J'allais chercher mes tomes à la fin de Walking Dead là-bas. Et du coup, ouais, le premier truc que j'ai acheté à côté de ça, c'était du coup Batman, La Cour des Hiboux. Voilà. Forcément, en plus c'était vraiment l'époque, parce que c'était ouais, 2013, donc ça venait vraiment tout juste de sortir. L'époque urbaine est arrivée vraiment, on va dire, à un an près, on va dire. Et oui, donc je suis tombé là-dessus, j'ai vu un tome 1, je me suis dit, bon, bah vas-y, let's go, tu vois, on va tenter. Et j'ai pris une grosse, grosse claque à l'époque, vraiment. Et en fait, ça m'a rappelé les souvenirs, tu vois, justement, de la série animée, etc., de trucs Batman que j'avais vu, même de Dark Knight, de Nolan, etc., des trucs que j'avais vu avant, mais sous un nouvel angle. En fait, et la BD apportait vraiment, enfin Capullo, à l'époque vraiment, tu vois, je connaissais aucun dessinateur, aucun scénariste, etc. Je découvrais tout quasiment totalement. Et c'est vrai que il y avait certaines pages, je me rappelle d'un épisode là, dans le labyrinthe où il est complètement paumé justement, et tu dois tourner un peu la BD, etc. pour suivre l'épisode. Tu vois, ça pour moi c'était nouveau par exemple. Et du coup, je me disais, putain, c'est dinguerie, tu vois, c'est hyper Complètement bien. fou Et parce que tu deviens acteur de ta lecture. exactement, c'est ça. C'est ça. Et du coup, voilà, ça c'était mon entrée vraiment dans le monde des super-héros, on dirait via le comics. Et du coup, la lecture que j'ai eue en même temps, c'était vraiment deux choses que j'ai achetées en même temps. Il y avait Fable aussi, de Bill Willingham et Mark Buckingham notamment, que j'ai découvert là. Et du coup, une nouvelle série indé, qui était une série indé, pareil, très longue. Et moi, ça a été une claque monumentale. Vraiment, Ouais. Fable, pour moi, ça reste un must-have. Enfin. C'est un truc que j'ai envie de conseiller. Alors, c'est pas forcément évident parce que il y a des trucs des fois dans le scénario, on va dire, c'est pareil que Walking Dead, tu vois, dans un sens. Je trouve que les premiers tomes, les premiers arcs sont vraiment mais magistraux. C'est incroyable, vraiment tout ce qui se Ouais. passe. Et après, j'ai l'impression que par moment, il y a un peu, pas du remplissage, mais un peu de ça. Tu vois, c'est genre, on va étirer l'histoire pour rajouter des choses. Il y a des trucs bien et des trucs un peu voilà, qu'on n'est pas obligé de sauver, quoi. Donc, mais globalement, ça reste quand même une excellente série et ne serait-ce que pour le premier arc, il faut absolument lire ça, enfin, c'est fabuleux. Fabuleux. Donc, ouais. Tu vas dire que je te dégoûte, mais je me suis arrêté dans les gros reliés d'Urban. Je me suis arrêté au tome 5, je crois, et à la révélation de qui est l'ennemi. Oui. Qui est l'adversaire? C'est ça? Ouais, l'adversaire. Ouais, ok. Et la révélation, j'ai. Oh, oh, oh. Je comprends. Ouais, je comprends, je comprends. Je comprends, Je mais. m'attendais pas à ça. Et ben, après, je suis passé à d'autres trucs et tout, mais enfin, le début est fou, quoi. Vraiment, le début est incroyable. Et c'est pareil, parce que bah, du coup, c'est des trucs que je partage aussi avec ma compagne. Et ben, tu vois, on en parlait pareil il n'y a pas tellement longtemps. Et, ouais, elle aimerait bien les terminer. En gros, ça voulait dire, pépère, quand tu passes chez le libraire, si tu avais l'amabilité d'acheter la suite, voilà. Donc, ok, très bien. Message reçu, chérie. Tout de suite, j'y pense. Non, mais j'aimerais bien les reprendre aussi parce que c'est. Ben puis je trouve le concept complètement de reprendre les contes en fait de ton enfance, d'en faire un univers et puis de les rendre à la fois, j'allais dire si horrible, mais finalement si humain. Complètement, complètement. Et ouais, c'est vraiment un super truc, quoi. Et donc plus DC, mais au-delà de Batman, et tu vois, c'est bizarre, c'est bah pour faire quand même depuis pas mal de temps, tu vois, cette émission, il y a toujours des trucs qui reviennent régulièrement, tu vois, les Picsou, où c'est souvent en fait que les gens en parlent en disant, je savais pas que je lisais des comics, ce qui fait forcément réfléchir aussi je sais pas ce que tu en penses, aux éditeurs qui hésitent de plus en plus en fait à indiquer que leurs publications sont des comics. Pour essayer de les ranger dans les BD, enfin tu vois, dans les librairies. Et c'est peut-être une solution. Et puis à chaque fois, la cour des hiboux et le dessin animé Batman aussi qui reviennent, quoi. Oui, bah après, en même temps, après, je me dis, est-ce que c'est pas aussi parce que là, Alors, je connais pas non plus à fond ton public non plus, les gens qui suivent, mais je vois à peu près, tu vois, je me Des dis. gens de 75 ans. Ouais, en moyenne. Mais tu vois, je me dis, voilà, on est beaucoup, je pense, à avoir plus ou moins la même génération, on va dire peut-être 10 ans d'écart, tu vois. Alors, ça fait quand même une bonne marque, mais je pense qu'on a eu les mêmes références, en fait. Donc, du coup, moi, ça me semble plus ou moins logique qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça pour plusieurs personnes. Tout à fait. Des classiques comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment des classiques qui sont vraiment indémodables, ça vieillit assez peu, en fait. Donc, Ouais. Et quand tu es sur les plus anciens, tu tombes assez rapidement aussi bah, sur les Stranges, des trucs comme ça. Et dans tous les Stranges, tous les plus anciens, ils parlent de Daredevil. Tous, tous, tous, tous, tous, tous. Daredevil, plus que les FF, les X-Men aussi. J'ai eu plus souvent ouais, des réponses autour de Daredevil. Daredevil, un truc de fou, et notamment bah, le travail de Miller et tout, qui ont mais marqué une génération vraiment, mais d'une manière indélébile, quoi. j'imagine qu'en plus, quand tu as suivi ça vraiment au rythme des sorties des magazines, ça devait être assez fou, quoi. Enfin, vraiment, là maintenant, moi, quand je les ai lus, tu vois, c'était déjà tout sorti dans les icons, etc. Donc, Ouais. c'est une autre manière de. Enfin, tu découvres un classique, alors qu'à l'époque, tu étais vraiment en direct, tu découvrais justement le classique là qui était entre guillemets en train d'être publié, même s'il y a une petite différence avec la publication aux États-Unis, mais. Mais enfin voilà, c'était assez fou. Et puis tu avais comment dire, le même procédé en fait de publication. Et la manière dont c'est publié aussi, ça transforme l'expérience en fait du lecteur. Quand tu as simplement ton épisode de 22, 24 pages tous les mois et que tu dois attendre un mois pour avoir de nouveau un autre épisode, il se passe pas rien en fait dans ce mois de vide. Parce que tu relis tes anciens épisodes, ce qui fait que tu lis, tu relis, tu redécouvres des trucs, c'est vraiment une autre expérience de lecture et en plus tu théorises. Sans même t'en rendre compte, mais tu envisages, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce que c'est lui le méchant, est-ce que machin, et du coup, en fait, quand ton bouquin il arrive, bah, c'était vraiment un plaisir de lecture qui était totalement fou. Et je pense qu'on mesure pas assez, à la fois sur ça, sur ce point-là, et sur l'accessibilité, en fait, qui étaient les kiosques. Je pense qu'on mesure pas vraiment en fait le mal que ça va faire au marché des comics, le fait que les kiosques se soient arrêtés. Et on le verra sur du long terme. Mais bon, après, c'est juste mon avis, quoi. Non, mais franchement, ça s'entend très bien, hein. C'est peut-être aussi que le lectorat de base aussi a évolué. Enfin, les générations, le mode de lecture peut-être a changé aussi. Donc, forcément, le marché il évolue avec. Mais c'est vrai que le côté d'avoir plusieurs petits bouts d'histoire comme ça, même dans les trucs récents, moi je sais que j'avais commencé à lire les quelques kiosques qui sortaient. C'était la période Rebirth, je crois. Ou vraiment, ce que je disais, j'avais envie. En fait, à l'époque, j'avais vraiment envie de tout lire, absolument tout lire de Rebirth. Et je m'étais dit, ok, bah, les trucs qui sortiront pas en version cartonnée, bah, vas-y, je vais lire ça à côté. Et c'est vrai que c'est une autre manière de lire le truc. Et comme tu disais, en fait, le côté de théoriser, etc., sur le moment des sorties, bah, ça, je crois que tu en as déjà parlé de ça en vidéo, en live, il me semble. Oui, bon, je me répète, hein, au bout de 6 ans. C'est pas pour dire ça, mais bon, voilà. Mais en gros, non, mais c'est vrai que, comme tu disais, il y a un côté effectivement où tu es très actif en fait, finalement, dans ta lecture, où tu prends plus ou moins la place du scénariste pendant un petit mois avant que lui-même te donne sa solution, quoi. Mais dans un Mais sens, je me posais une question aussi, c'est genre, est-ce que toi qui lisais beaucoup comme ça, tu vois, par exemple, justement, ça t'est pas arrivé finalement d'être plus déçu que content, dans le sens où ce que tu avais pu imaginer, est-ce que des fois c'était pas mieux finalement que ce que tu avais, quoi. alors peut-être que ce que j'avais imaginé était forcément mieux puisque c'était mon histoire. Donc c'est voilà, c'est un peu comme quand tu lis un roman et que tu envisages en fait, tu penses au, tu donnes un visage au personnage et puis le jour où tu as une adaptation en film, la première fois généralement, enfin tu vois, t'as un mouvement de recul parce que l'acteur qui va incarner ce personnage, c'est pas forcément celui que t'attendais. Enfin voilà, il y a ce côté-là. Mais rétrospectivement, non, il y a pas une fois où j'ai vraiment été déçu parce que ça faisait partie en fait de la magie du truc. Mais il n'y a pas eu beaucoup de fois où en plus j'ai eu raison. Et c'était ça qui était génial. Et ça, c'est vraiment un truc qui me manque beaucoup en fait dans mon rapport aux comics depuis pas mal d'années, quoi. Vraiment. C'est tu vois, de rester sur un cliff, de pas savoir, de voilà. C'est pour ça que moi, je m'aménage mes mini cliffhangers. C'est-à-dire que j'enchaîne rarement deux épisodes, tu vois. J'aime bien lire un épisode, je prends ma tarte, tu vois, quand le cliff, il est bon, hein, évidemment. Je repose, je vais faire une connerie, un truc, enfin, peu importe, je reviens, tac, c'est rare, en fait, quand je me colle, en fait, sur un bouquin et que j'enchaîne. Pour que j'enchaîne, il faut qu'il se soit passé quelque chose de vraiment fou et que tu peux vraiment pas le lâcher, quoi. Mais sinon, je trouve que le cliffhanger, il fait vraiment partie intégrante du comics et que de la manière dont on le consomme, on le désamorce complètement. Oui. Est-ce que tu fais ça justement pour aussi les comics indés ou est-ce que tu fais ça finalement aussi que pour les super-héros ou tu as gardé le truc en fait d'avant, de méthode de lecture d'avant ou est-ce que tu fais ça aussi pour l'indé? Parce que finalement, il y a moins de cliffhanger. Parce que comme la méthode est tellement différente que je me dis... Bon. Le dernier indé que j'ai lu, c'est le, si je te dis pas de bêtises, c'est le Department of Truth numéro 1. Et à ma relecture, j'ai pas fait d'arrêt. Mais c'était pas possible. Ouais. C'était pas possible. Ouais. Tout droit. Feu, go. Enfin, c'est bizarre. Mais voilà, là pour le coup, c'était hors de question. Parce que je me suis fait agripper, je me suis fait tirer dans le truc et c'était terminé. Quoi. La magie avait opéré. Ça fait plaisir à entendre. Mais franchement, je te dis, de toute façon, on avait un peu parlé pour le coup des partenaires de truffes en off. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais très content dans ta vidéo parce que c'est vrai que le côté, mais le début, comme tu dis, voilà, on t'est vraiment passé à côté, à côté dans le sens de ton point de vue, évidemment, hein, dans le sens, voilà, les deux premiers épisodes t'ont saoulé, etc. Et t'es passé à autre chose. C'est vrai que de voir finalement que tu es revenu dessus et de voir justement comment tu as été happé, moi j'étais assez content parce que je t'avoue que, pas parce que ça change quelque chose de ma vie, tu vois, clairement, mais c'est juste que, ouais, il y a le côté, quand tu aimes une œuvre et tout, c'est vrai que ça fait plaisir de voir aussi d'autres gens partager l'engouement en fait que tu as pour elle, en fait, tout simplement. Et, bah voilà. Et des personnes de Truth, c'est ça. Des personnes de Truth, je sais que c'était vraiment, moi l'année dernière, parce que le premier tome, j'aurais dû sortir janvier 2022, si je dis pas de conneries. Et c'est ça. Et du coup, hormis Leila Starr l'année dernière qui m'a mis une claque plus haute, mais parce que émotionnellement parlant, il avait le truc en plus qui m'a chopé voilà, en termes d'émotion. Mais Department of Truth, pour moi, c'est quasi parfait. Hein. C'était vraiment mon gros coup de cœur de l'année dernière. Autant dans le scénario, la manière de faire évoluer les personnages, et surtout tout le mystère qui a mené. Et tu vois, toi, tu disais justement que le dessin. Au début, tu as eu beaucoup de mal avec, mais moi, c'est justement, je crois que c'est vraiment un de ces types-là de dessin que j'adore et que j'adore dans le comics en général. Alors, pas que celui-ci, hein, pas que ce genre de type de dessin, mais c'est vrai que le dessin très indé, c'est bizarre à dire, mais parce que du coup, chaque style de dessinateur, tu vois, j'essaie de résumer ça, mais en gros, le dessin très mainstream que tu vas retrouver dans les grosses séries de super-héros, que ce soit DC ou Marvel, par les gros dessinateurs, qui pour moi ont un talent de malade mental. Hein. Je ne remets pas ça en question, ils sont très très forts. Mais c'est souvent que techniquement, je les trouve vraiment fous. Mais par contre, ça me procure pas d'émotion. C'est ça. C'est un peu, c'est trop propre. C'est trop lisse et je ne sais pas comment dire. En fait, je ne sais pas s'il y a un mélange de l'ancrage, de la colorisation, etc. Même s'il y a beaucoup de gens très différents et très talentueux qui vont bosser sur ces différentes séries. Mais globalement, il y a un truc, je ne sais pas, où je me dis, j'arrive pas à me dire, je lis le truc autrement que pour juste le kiff de voir des personnages que j'aime bien interagir entre eux, vivre leurs aventures, etc. Alors que effectivement sur du comic indé, à chaque fois j'ai découvert un nouveau dessinateur, une nouvelle dessinatrice. Et ça pour le coup, moi, retrouver certains que j'ai adorés et avoir peut-être des fois des traits un peu plus rugueux, on va dire, ou différents, etc. C'est vrai que c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment du mal avec un dessin. Faut vraiment, c'est très particulier sur certains dessins. Hein, voilà. Et vu qu'on est sur la partie dessin, autant que je te pose la question maintenant, c'est dur de sortir un dessinateur. Mais on va dire ton top 1, top 2, top 3, ou 1. Hein. Ouais. 1 et peut-être avec un épisode. Oh putain, ok. Alors... Ah ben, c'est une émission de merde, hein. Non, non, c'est chiant. Le pire, c'est que je me disais bien qu'à un moment, ça allait tomber, tu vois, mais du coup, j'aurais dû me préparer, je suis trop con. Non, mais tu vois, il y a, pour le coup, je vais, alors c'est, on va en dire plusieurs, et puis après, j'en citerai peut-être un en particulier, parce que mais c'est sur une série, donc c'est pour ça que je le mets un peu à part. En gros, là, pour le coup, ce qui me vient tout de suite dans les grosses séries un peu mainstream, il y a du Darwin Cook. Darwin Cook, que je trouve trouvé, mais également, malheureusement, mais que je trouve extraordinaire dans le dessin. Moi, ce côté cartoon-là, j'aime beaucoup, en fait. Le côté de son dessin est vraiment fabuleux, et des fois, par la dureté des trucs qu'il va raconter et la différence qu'il peut y avoir, justement, avec le dessin qu'il a. Tu vois, un truc très cartoon, justement, où tu peux te dire, on va rester dans un truc plutôt léger. C'est ça, déjà, je trouve ça assez fou. Je sais pas, c'est enfin, moi, je trouve ça très beau. Hein, juste ouais. À voir, je prends un plaisir monumental à voir la classe et les effets, même juste les visages qu'il donne. Par exemple, là, je pense à New Frontier, par exemple. Voilà, ouais. Tu vois, juste le dessin, la manière qu'il a fait de dessiner Wonder Woman, Superman, etc. Je sais pas, il y a un côté hyper bon, chaleureux qui dégage de ces personnages là. Ça, j'adore, par exemple. Est-ce que ça te fait pas penser au dessin animé Batman, un peu ce trait? Ah bah oui, forcément, parce qu'en plus il me semble, alors si je dis pas de conneries, mais j'ai un peu peur, mais il me semble que il a dû bosser sur certaines séries animées de l'époque de Bruce Timm, si je dis pas de conneries. Je serais pas étonné. Ouais, moi il me semble. Et du coup effectivement Bruce Timm, même si le trait est pas du tout, enfin n'est pas vraiment le même, on va dire que le côté cartoon forcément s'en rapproche. Donc oui, ça fait forcément évoquer ce genre de truc-là. Et dans le même, enfin, ça va pas être le même genre, mais en autre dessinateur, pour moi, il y a Tim Sale, par exemple. Tim Sale, j'ai découvert un long Halloween. Ça a été une énorme claque. Je pense que pour beaucoup de gens, ça a été aussi un petit peu le cas. Ouais. Moi, j'ai directement accroché au dessin. Par exemple, le côté très exagéré des personnages. Ce Joker là avec ce sourire absolument énormissime, j'ai même pas compté le nombre de dents qu'il a, mais c'est impossible. Oui. Mais voilà, c'est très exagéré, les oreilles de Batman extrêmement pointues, enfin, il y a vraiment un truc qui est de l'ordre du gothique, et là, du coup, que j'aurais tendance peut-être à rapprocher de l'ambiance peut-être d'un film de Tim Burton, tu vois, mais plus du deuxième, du coup, dans l'idée, où là, justement, il pousse le côté gothique, on va dire ça comme ça, même si les designs n'ont rien à voir, mais c'est juste que, tu vois, en termes d'ambiance, on peut penser à rapprocher à ces trucs-là. Mais ouais, ça a été très, très marquant, je pense. Après, en vrai, il y en a tellement que c'est compliqué, mais du coup, le dernier que je voulais citer, et je l'ai déjà... Bon, pareil, je t'en ai déjà parlé vite fait hors vidéo, mais moi, c'est, par exemple, j'ai pris une grosse claque avec Wes Craig. Wes Craig, qui est le dessinateur d'une série de Rick Remender, oui. Deadly Class. Et oui. Deadly Class, pour moi, ça a été... en fait, je voulais le garder pour en faire un live, mais ça sera dans le temps, mais c'est pas grave, on va en parler avant. Mais, ouais, mais c'est pas... Je pense que c'est pas grave, on va en reparler, on s'en fout. C'est en sens. Ouais, en fait, la série, pour le coup... Je me souviens l'avoir découvert, je crois, avec la couverture du tome 4. Alors, je ne l'ai pas sous la main, là, j'ai le tome 1, mais voilà. Et en fait, cette série-là, j'avais vu la couve du tome 4, et je ne sais pas, j'ai été... tu vois, mon regard s'est posé dessus, et je me suis dit immédiatement, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et je veux voir, en fait. Et en fait, je ne saurais pas vraiment te dire... Enfin, si, je vois ce qui me plaît dans son dessin. C'est pareil, c'est un truc qui va être... très rude, très rugueux, etc. Mais il y a surtout une façon de composer ses cases et de composer l'action, surtout, que je trouve assez folle. Enfin, vraiment, c'est extrêmement dynamique. Il utilise... alors, je crois qu'il a, sur Deadly Class, il y a aussi un coloriste, donc je ne suis pas sûr qu'il fasse tout le taf de base, mais le mélange des couleurs utilisées, avec c'est beaucoup, des fois, d'aplats, il y a beaucoup de changements, en fait, entre les différentes cases où tu vas avoir un ton de couleur très précise sur un truc et puis ça va vite changer avec un autre, il y a plein de couleurs très pastel, enfin, y a un mélange de plein de choses, en fait. Et vraiment le dessin de Wes Craig, vraiment, moi je trouve ça fabuleux, et je suis un peu frustré, j'avoue, d'avoir que finalement Deadly Class en sortie française. En tout cas, j'en ai pas d'autres en tête. Là, j'avais acheté vite fait une nouvelle série qui a sorti les premiers numéros. Le premier TPB est sorti en VO. Du coup, je l'ai pris pour me lire autre chose aussi qu'il a fait. Mais ouais, ça fait partie aussi du coup des dessins qui m'ont beaucoup marqué et du coup qui m'ont fait plonger encore plus dans les séries justement un peu indé, etc. D'aller chercher qu'est-ce qui se fait en fait à côté tous les différents styles en fait. Ouais, c'est quoi le pitch de Deadly Class au cas où? Alors, désolé. en gros, je vais essayer de te la faire courte parce que sinon je pourrais rentrer dans les détails, on s'en fout un peu. En gros, tu vas suivre un gamin qui s'appelle Marcus et qui vit, je crois que c'est à fin des années 70 ou 80, il me semble que ça se passe. Ouais. Il devient, en fait, qui est SDF parce que, en gros, il y a eu un gros truc dans sa vie qui fait qu'il s'est retrouvé un peu à la rue. Et en fait, il va se faire récupérer par une école d'assassins. Qui forment en fait donc de futurs assassins. Et en fait, dans cette école, tu as surtout des fils et des filles de grosses familles de mafieux, du monde entier, de gangs, etc. Des gens qui, en général, du coup, ont un ego surdimensionné déjà parce qu'ils viennent d'une famille extrêmement importante et reconnue et dangereuse, etc. Et qui ont des choses à prouver. Et tu as le côté aussi de Marcus qui, lui, du coup, n'est pas du tout dans ce truc-là de base. Et va plus se faire une sorte de bande de potes un peu à la marge, tu vois, où c'est vraiment justement pas tous des gens d'une grande famille, etc., de gens riches, etc. Et en fait, il y a un côté, Rick Remender, pour le coup, il en avait parlé en mode, c'est vrai qu'il a mis pas mal aussi de référents à lui, de sa jeunesse, etc., dedans. Alors, je pense pas qu'il a été élevé dans une école d'assassins, mais voilà, pour le coup, okay, j'espère pas. Mais en tout cas, voilà, il a mis pas mal de lui aussi dans l'écriture de certains personnages, dans le côté très punk rock aussi qu'il y a dans la série. Et ouais, je trouve que ça marche du feu de Dieu. Alors, la série peut être un peu longue, parce que du coup, il y a 12 tomes. Le dernier, là, est sorti il y a quelques mois. Ah ouais. Du coup, c'est fini. Mais moi, c'est vraiment un côté extrêmement marquant, et quelques épisodes en trop, peut-être. Mais la relation entre les personnages, je trouve, fonctionne du feu de Dieu, et l'ambiance... C'est Sherman, hein. Ouais, c'est Sherman. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils en fassent peut-être une intégrale un de ces jours, très honnêtement. Mais ouais, c'est vraiment c'est un truc qui m'a beaucoup marqué et que je trouve encore qui est un... Là, pareil, le tome 12 là, est sorti, donc comme je disais, là, ça doit être milieu d'année, un truc comme ça. Et j'ai lu ça d'une traite, ça va faire monter un truc, parce que c'était vraiment... t'as la fin de ces personnages-là que t'as appris et aimé à suivre comme ça pendant assez longtemps, finalement. Donc ouais, ça c'est ma grosse lecture et gros, très très marquant. Et qui fait que Remender, pour moi, ça... Alors, moins maintenant avec ses dernières sorties que je trouve un petit peu moins bonnes, mais la période où je lisais en même temps donc Deadly Class, Black Science aussi, ouais. Fear Agent, tout ce genre de trucs là qu'il a fait, vraiment ça pour moi ça, c'est des très très gros titres, toujours avec une grosse identité parce qu'il a quand même la faculté de s'entourer justement de dessinateurs très très forts, que ce soit Matteo Scalera, Tony Moore, Sean Murphy, enfin voilà, il a quand même des gros gros noms avec lui à chaque fois, Bengal pour le citer. Enfin, vraiment, non, vraiment, c'est du lourd. Et voilà, c'est un de mes gros plaisirs de lecteur. Voilà. Il m'envoie plein d'étoiles dans les yeux. Tu vois, ça fait partie des titres. Je suis à peu près certain que Drame, notamment à l'époque de la rubrique Geek, qui nous en a parlé. Mmh. Et ça fait partie de la multitude de titres où j'ai dû dire « Putain, ouais, ça a l'air bien, fais voir, je le note et je l'ai noté. » C'est tout. Ouais. Et je... Ah ouais, c'est vraiment dommage quoi. Donc et d'autant plus, alors je c'est pas pour faire de la flagornerie vers Urban, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les titres indés généralement que propose Urban, tu vois. Ouais. Et du coup, étant donné que j'ai eu beaucoup de bonnes expériences avec les titres indés de chez Urban, bah, j'hésite moins à aller dessus. Le dernier chez Urban, là, bah, hormis celui qu'on évoquait tout à l'heure. J'ai été sur New Burn aussi, je sais pas si tu as été dessus. Ouais, le tome 1, ouais, complètement. Bah, très très bien. Bien aimé. Parfait. Ouais, j'irai clairement sur le tome 2, quoi. Mmh. Et il y a quand même une question que je me pose, parce que ça, tu me l'as dit la dernière fois, et ça a fait c'est un des trucs, ça m'a vraiment interloqué, et notamment en fait sur une série comme ça où tu me dis qu'il y a 12 tomes, tu me dis que tu ne relis en fait pas tes comics. Ouais, quasiment pas. Et Quasiment comment pas. tu fais quand tu arrives au tome 12, alors qu'il y a un temps en fait qui s'est passé, pour te remettre en fait à fond dans l'histoire dès le début du tome? Parce que, alors, je pense qu'il y a aussi des fois peut-être un côté où je fais un peu abstraction du temps justement qui s'est passé entre deux tomes. C'est-à-dire que je me dis, OK, est-ce que j'ai vraiment le temps et la motivation peut-être aussi, ça joue, de me relancer dans la lecture. Est-ce que je relis que le précédent? Est-ce que je relis aussi les tomes d'avant, tu vois? Ça me demandait vraiment beaucoup d'implication. Et des fois, je t'avoue que bah, du coup, ouais, je ne suis pas vraiment dans ce truc-là. Et en plus, en fait, à une époque, un peu moins maintenant, mais à une époque, je lisais vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Genre, j'achetais aussi beaucoup, beaucoup de trucs. Et du coup, en fait, j'enfilais ça vraiment à fond, quoi, et en mélangeant des nouvelles sorties, des suites de séries, etc. Et du coup, je pense que sur certaines séries, du coup, j'ai dû passer à côté de certains trucs, tu vois. Et je pense que j'aurais plus apprécié encore. Si je m'étais replongé un petit peu avant dans le truc, etc., en ayant plus d'éléments en fait de souvenirs, mais sur des séries justement comme Deadly Class ou d'autres qui m'ont beaucoup marqué, bah, je remarque que c'est, enfin moi en tout cas je trouve ça jamais compliqué de m'en mettre dedans même si j'ai pas tous les éléments. En fait, je trouve que assez globalement, même s'il y a des trucs que j'ai oubliés, très vite en fait quand je me mets à lire le truc, je me dis attends ça c'était qui déjà? Ah oui, ok ça, ok il y a ça. Parce que je trouve que dans la construction, en fait, dans la construction des histoires, souvent quand même, je trouve que si le scénariste juste a été bon, même le dessinateur d'ailleurs, ou la dessinatrice, tu vas réussir quand même assez facilement à te remettre dedans. Alors, je ne dis pas ça pour tout le monde. Tu vois, alors clairement, par exemple, il y a des scénaristes, je pense que si tu lâches entre deux épisodes ou entre deux tomes, clairement, tu vas nager complètement, tu vas rien comprendre et clairement, ta lecture ne sera pas forcément mémorable. Mais pour certaines séries comme ça, ouais, je pense que ça me dérange pas en fait concrètement de me dire, ok, je peux passer à côté de quelques éléments. Peut-être qu'au fur et à mesure dans l'histoire, ça va me revenir. Ok, c'est pas grave. De toute façon, je vais en avoir d'autres. Je vais me nourrir d'autres choses en fait. Tu vois, voilà, c'est un peu la manière que j'ai eu de consommer du coup les histoires. Mais C'est voilà, c'est un super peu. intéressant du coup. Ouais. Il n'y a pas une manière en fait ouais, de consommer le truc. Et c'est vrai que putain, moi j'ai toujours tendance à vouloir revenir un peu en arrière pour vraiment être, tu vois, au taquet, pour être vraiment au taquet. Il n'y a pas d'autre définition pour pouvoir, allez, vas-y, je me mets dedans. Sauf que quand tu pars sur des séries qui sont super longues, si tu veux avoir les 7 ou 8 tomes bien comme il faut en tête avant d'attaquer le 9e, c'est pas possible, quoi. Tu perds du temps. Tu perds du temps. Et paradoxalement, je sais aussi que tu vois, lire et relire et re-relire en fait une œuvre que t'aimes. Et ben, je sais que tu la redécouvres et tu l'approfondis en fait à chaque fois. Il y a des fois, tu vas te surprendre en fait à sursauter et à aimer en fait des passages que tu as déjà aimés, puis des fois tu vas remarquer d'autres trucs. Enfin, là tu vois, dernièrement j'ai relu pour la troisième fois La guerre de Sinestro, et ben c'était pas comme si je la redécouvrais que pour la première fois, mais j'arrive encore, si tu veux, à remarquer des trucs, à rentrer encore un peu plus dans l'histoire et tout, et je sais que je le relirai encore, quoi. C'est sûr et certain. Mister Miracle, Carbone et Silicium, et ben j'ai eu envie, j'ai eu besoin en fait d'enchaîner quasiment deux lectures d'affilée, quoi. Bizarre, quoi. Ouais, je comprends l'idée en plus, mais tu vois, par exemple, là tu dis la guerre de Sinestro, mais la guerre de Sinestro, si je dis pas de bêtises, c'est dans le tome 2 de l'intégrale de Green Lantern, c'est bien ça? C'est ça. Là, c'est ça. Et du coup, bah, même si c'est quand même un gros pavé, donc clairement ça va te redemander du temps, bah, ça reste, c'est pas, tu t'enchaînes plusieurs tomes d'une longue série, tu vois. Je veux dire, C'est vrai. si je dois me remater Fable, enfin, de relire tout Fable, bon, j'ai 23 tomes à me fader, tu vois. Donc bon, voilà, ça va être quand même autre chose. Et pareil, sur des one-shots, là pour le coup, effectivement, je suis d'accord, j'ai moins de mal. Par exemple, je sais que ça a pu m'arriver sur des BD vraiment que j'ai adoré absolument, ou me dire, ok, ça ne me dérange pas de me reprendre 1 heure, 2 heures, enfin un peu plus, des fois, ça dépend de l'épaisseur du truc, mais ça ne me dérange pas de me remettre dedans. Alors que pour des fois, certaines séries, effectivement, au long cours, même que j'ai adoré à l'époque au moment de la lecture, je sais pas, moi je pense à Preacher, par exemple, Oui, on en avait parlé. voilà, que j'adore absolument, qui est incroyable, qui fait partie moi, de mes lectures préférées. Enfin, au moment de la lecture, c'était fou. Mais tu vois, ça fait plusieurs années que je l'ai eu, et effectivement, il y a plein de choses qui m'échappent maintenant. J'ai les Ouais. gros événements, on va dire, voilà, et je me souviens globalement du truc, mais il y a sûrement plein de trucs là que j'ai oublié, et de me dire, je sais par contre que c'est ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai vraiment envie de relire. Je sais qu'un jour, je vais m'y atteler, me dire, ok, les six intégrales là, je m'en fous, je me mets dedans et on va les bouffer, parce que c'était incroyable. J'aime bien le côté. Il y a un côté, on s'automotive des fois, tu vois. On s'auto-encourage. Allez, vas-y, vas-y, mange champion. Tu vas aller bouffer tes six intégrales. Mais il y a de ça, quoi. Ah Il y a oui, un petit côté complètement. challenge. C'est ça. Et puis, je pense que le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, je me suis lancé dans tellement de séries différentes. Alors, séries one shot, hein, les deux. Parce que, bah, du coup, on ne l'a pas encore évoqué, mais du coup, il y a. Alors, pas maintenant, actuellement, mais il y a une période du coup, où je bossais en librairie, en fait, du coup. Et bah, du coup, forcément, tu dois lire beaucoup. Et c'était absolument pas, pour moi, c'est pas juste en mode je lis parce que c'est le travail, c'est aussi parce que bah, c'est toujours un plaisir en fait. Donc tu te mets dedans, c'est très cool là-dessus. Et du coup, je lisais tellement de choses que je me disais, ouais, en fait, j'ai pas le temps en fait de relire. En fait, je peux pas relire. Même des trucs que j'ai adorés, je peux pas me permettre, entre guillemets. Et c'était pas ma philosophie à ce moment-là de me dire, je préfère en fait découvrir toujours des nouvelles choses. Quitte à passer des fois à côté de certains trucs parce que je relis. Je prends pas le temps de relire quand je lis une suite, par exemple, ou ce genre de choses. Mais c'est un choix après quoi. Voilà, et puis après, au niveau de ta collection, il y a quand même des trucs que tu gardes, où tu fais beaucoup tourner en revendant, où il y a quand même des trucs que tu dis non, ça je les garde parce que peut-être que dans 5, 10, 15, 20 ans, je voudrais les relire. Alors, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me débarrasser des choses. Donc du coup, des fois, c'est très compliqué. Enfin, là, alors, je pense que là, à la fois dans les gens qui suivent la chaîne, etc., et même dans les lecteurs de comics, je trouve qu'il y a beaucoup de collectionneurs aussi à côté, tu vois, ils ne font pas que lire, mais collectionnent aussi beaucoup quand tu as les moyens, la place et tout plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, voilà. Et encore, ce n'est qu'une partie. Donc voilà. Jugez-moi, connard sur 20. Voilà. C'est pour ça que moi je n'ai pas mis mes bibliothèques derrière, je me dis ok c'est bon là, voilà. J'ai un fond blanc, ça marche. Mais non, en fait du coup effectivement ouais, le côté collection, c'est un truc que j'aimais bien. Là ça faisait, du coup je me suis rendu compte, tu vois, à la fin de l'année dernière, que ça faisait bah, 10 ans, du coup je m'étais mis à la lecture de comics vraiment de manière très très régulière et même en grosse quantité. Et Intensive, ouais. ouais, intensive, voilà. Et en fait, il y a beaucoup de choses, effectivement, que j'ai revendues, que j'ai rendues aussi. Ça, c'était le côté pratique aussi de bosser en librairie. C'est qu'il y a des moments aussi où tu te dis, OK, bah, ce tome-là, je vais l'acheter. Ah, finalement, tu es déçu. Tu te dis, bon, bah, OK, c'est pas grave. Je peux le rendre, je peux faire un échange, je fais un truc. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut arriver, ça peut aider. Et puis après, sinon, oui, effectivement, de la revente. Et après, il y a eu beaucoup de lectures aussi où j'ai fait l'impasse finalement de me dire, OK, on ne fait pas d'achat parce que c'est pas assez bon finalement pour être gardé. Mais globalement, maintenant, ouais, je pense qu'il y a une grosse partie de ma collection. Si je garde vraiment que les. Si je me faisais vraiment un gros travail sur moi en me disant, ou alors juste que je n'avais pas le choix parce que j'ai besoin de thunes ou besoin de place ou ce que tu veux, je me dis, ouais, il y a quand même une grosse partie de ma collection, je pense que je pourrais revendre. Ça me ferait chier sur le coup parce que je me dis, tu vois, j'ai mis des années à l'accumuler. Et dans un sens, je pense que le côté aussi plaisir de voir des bibliothèques comme ça remplies et tout, c'est un truc très matériel en fait. Hein, mais en même temps, ouais, je sais pas, je pense que je pourrais me débarrasser quand même d'une grosse partie des titres. Sans pour autant ça me pose un énorme problème en fait à la longue, parce que je pense que bah, au bout d'un moment tu as lu tellement de trucs qu'il y a plein de choses que tu vas justement oublier, tu vois, qui étaient juste moyens, que tu as gardé par pur esprit de justement de collection, etc. Mais pour autant n'ont pas forcément leur place si tu devais faire une bibliothèque idéale, par exemple, tu Ah, ça c'est intéressant, tu vois, le vois. truc de la bibliothèque idéale. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Alors, pendant des années et des années, j'ai jamais rien revendu. Vraiment. Il n'y a que depuis, à cause de Drame, hein, clairement. Hein, parce que c'est lui Ah là là. qui nous en a parlé et tout. Et que j'ai commencé, bah, de temps en temps à faire des petits tris, j'allais dire. Mais j'ai quand même évacué quand même pas mal de trucs. Ça m'a fait gagner des sous, ce petit, moi, je vous le dis. on peut rien dire, mais il m'a fait gagner des sous. Et que j'ai pu après, voilà, réinvestir et tout. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal, en fait, à vendre des trucs. Et des fois, j'ai des doublons. Voilà, ça, typiquement, tu vois, les kiosques, tout ça, ça, je vais avoir du mal. Mais parce que c'est une partie de ma vie. C'est une partie, en fait, de la manière dont je consomme le truc. Et aussi parce que je sais que c'est, pour moi, le format idéal pour suivre non pas un personnage, mais un univers. Mmh. Et c'est pour ça, en fait, que je le classe de cette manière. C'est-à-dire que c'est par mois de publication. Par exemple, tu vois, je vais avoir 3-4 kiosques où il y a à chaque fois 3 ou 4 séries à l'intérieur. Mais c'est un mois de Marvel dans une époque qui, pour moi, était vraiment... une des meilleures. Mais ça ne m'empêche pas de racheter des omnibus alors que j'ai les trucs là-dedans. C'est de la merde, c'est n'importe quoi. Mais c'est très... Alors j'essaie de ne pas trop le faire non plus, mais ça m'arrive beaucoup. Mais pour être tout à fait transparent et au-delà de la blague, il y a un côté maladif, hein, je pense. Hein. Oui. Je suis à peu près certain que je pourrais régaler un psychothérapeute, hein, tu vois, il se ferait plaisir en discutant avec moi. Mais bon, peut-être que j'évoluerai là-dessus. Ouais, non, mais ça, c'est une idée aussi. Je sais que, par exemple, j'en avais parlé aussi avec, avec Anto Webed, hein, au cas où je resitue, mais moi, je pense que tout le monde ici connaît le Webed, la légende du net. Mais oui, c'est en fait, le truc de collection, en fait, tu sais que c'est... tu vois, quand tu dis effectivement c'est un côté maladif, bah oui, il y a ce côté-là. Évidemment, tu as le plaisir de collectionner, mais est-ce que, enfin, concrètement, si tu dois y réfléchir plus que ça, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Enfin, il y a le côté, tu sais, justement, très matériel du truc. Et concrètement, oui, tu n'as pas besoin de posséder ce truc-là. Il n'y a pas de besoin. D'autant que moi, je sais que là, non seulement je collectionne les bouquins, mais ça va aussi sur les films, genre les Blu-ray, les vinyles. J'ai pas mal de problèmes, tu vois, d'un côté, donc voilà. Ouais, t'as d'autres passions, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup, quand tu commences à multiplier ce genre de trucs, très vite, oui, ça pose problème, que ce soit à l'argent, parce que des fois, tu peux ne... Enfin, t'es obligé de faire gaffe, on va dire. Mais je pense que des fois, je pense qu'on a tous à un moment, tous eu des moments où on a craqué sur des trucs, alors qu'on se disait, putain, j'ai pas le budget forcément pour ça, hein. Voilà. Je sais pas de quoi tu parles. Ça n'arrive qu'aux autres. Tout est parfaitement géré de mon côté. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Webed m'a fait acheter 2 intégrales Web of Spider-Man que je n'ai pas l'air de trouver ouf, mais que j'ai pris par pur complétisme? C'est pas impossible. Ah, ouais, mais est-ce que tu as l'excuse après de pouvoir en parler en vidéo aussi? Ça, c'est pas mal. Dans un sens. Tu peux t'expliquer comme ça. Alors, d'une part, et puis parce que je suis rentré dans un truc où ça y est, c'est fini, Spider-Man, je veux la complète jusqu'à un certain point que je me suis fixé. Voilà, je veux, ouais. Mais ça prendra le temps que ça prendra, hein, peu importe. Hein, mais mais voilà, jusqu'à Chapter 1, à la fin de Straczynski, quoi. Ok, bah, ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu n'as pas vraiment choisi le personnage où il y a le plus de séries. Voilà, donc c'est pratique, quoi. Je suis resté simple. Dans mes attentes. Je voulais te poser une question. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Est-ce que c'est d'attendre éventuellement la sortie d'un tome en sachant que peut-être ce tome-là n'arrivera jamais parce que la série est arrêtée? Ou est-ce que c'est un mec qui t'appelle chef toutes les 2 secondes dans ta librairie pour te faire déballer des objets? Oh putain, elle est dure. Elle est dure parce qu'elle est ciblée en plus, donc je vois très bien qui a pu te suggérer cette question. Donc là, normalement, au montage, tu vois ici, j'aurais rajouté des flammes un peu de partout avec marqué « choc mental ». C'est vrai que là, d'un coup, oui, j'ai... Ce qui est bien, c'est qu'elle est venue très vite, donc tu vois, ça va. Non, en vrai, alors, pour être... tu sais quoi, je vais répondre très clairement à ta question. En vrai, non, ça va être plus le problème. Je pense qu'en vrai, les deux m'énervent, mais je ne sais pas si c'est vraiment plus qui m'énerve le plus, parce qu'en vrai, le coup du chef, bon, oui, effectivement, on est plus foufou, on va dire. Est-ce qu'il avait tendance à éviter ce client dès qu'il rentrait? Oui. Voilà, potentiellement. Bon, il n'est pas méchant, hein, il était juste un peu colon. Mais voilà. Mais non, et le coup de... Et pour répondre simplement aussi sur le côté d'attendre la suite, tu sais, j'ai fait beaucoup de Glénat Comics, et on va dire que j'ai été habitué à ne jamais avoir de suite. Pareil. On sent l'homme qui a souffert derrière cette réponse. C'est ça. Donc bon, à ce niveau-là. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, donc... Tu vois, voilà. Voilà. Un traumatisme de l'un des Black Magic, trop bien. Eh ben, j'aurai jamais la fin. Bravo. Ouais, j'aimais beaucoup en plus le côté un peu pot de pêche. Mais je veux que tu... ouais. J'ai ma sensibilité. Ouais, c'est trop mais format, en vrai. J'ai trouvé que Glénat, pour le coup, faisait des très bons bouquins. Ouais. C'est juste dommage qu'effectivement, bon, ils ont eu la fin qu'on connaît. Mais oui, il y avait quand même des très bonnes séries chez eux. Et c'est vrai que c'est dommage. Il y a plein de séries que j'aurais aimé suivre. Mais que malheureusement, voilà, ça n'a pas eu la réussite. Ils retrouveront une vie ailleurs. Il y en a certaines, je crois, qui ont retrouvé une vie ailleurs. Ouais. Notamment Lazarus. Ouais, chez bien. Urban. Ouais. Bon là, ça fait peut-être partie des trucs. Il y a peut-être que Black Magic, un jour ou l'autre, ça peut revenir. Ouais, ce serait sympa parce que c'était vraiment bien en plus. Hein. Putain la vache. Carrément. Bah, magnifique en plus, Nicolas Scott, c'est la dinguerie. Mais il y a plein de trucs comme ça qui étaient très bons. Enfin, il y avait vraiment des très bonnes séries. Heureusement, certaines sont allées au bout. Mais il y en a peu, malheureusement. Mais Lazarus, moi, j'étais très, très, très content parce que Lazarus, pour moi, c'était la meilleure série Glénat, pour le coup. C'était vraiment un truc que j'adorais. Et de voir Urban là, le continuer, finalement, enfin, vraiment, c'était un effet de soulagement, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ressorte comme ça chez eux. Et puis de voir en plus qu'ils ont fait aussi le format intégral pour les gens qui voudraient débuter la série. Enfin, j'y pense, enfin voilà, mais comme un tas de trucs, mais non, je vais d'abord terminer pas mal de petites choses, et puis après on verra quoi. Si je pars sur d'autres trucs, j'ai encore deux tomes de The Department of Truth à acheter, enfin voilà, encore deux tomes de Walking Dead. Il y a déjà des trucs, ouais, c'est clair. Ouais, mais on n'est pas à l'abri quand Tom me demande encore d'acheter trois intégrales Spider-Man. Bon, ça va arriver, mais hein, c'est sûrement, à mon avis, il le fait petit bout par petit bout. Tu vois, genre, vraiment, pour essayer de ne pas trop te mettre dans le mal, mais voilà quoi. Là, logiquement, j'ai plus qu'à attendre 2-3 rééditions, et après, ce sera que des nouvelles sorties. J'ai vraiment rattrapé le bébé, quoi. Vraiment. Ouais. Ouais, oui, bien assez. Mais ça fait un joli truc, ce qui. Voilà. Mais tu vois, juste pour finir sur ce truc-là, justement, je trouvais qu'en plus, Lazarus, là, Urban a fait un vrai effort, entre guillemets, de suivi d'édition, parce que, effectivement, le nouveau tome qu'ils ont sorti est vraiment dans la même. Ligne édito finalement que les tomes précédents de Glénat, c'est-à-dire avec la couverture blanche, hein, le dos blanc, etc. La même, c'est chouette. Ils ont vraiment copié le truc et ça, franchement, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un vrai truc vraiment quali derrière. Ouais. Avant qu'on. J'ai encore une ou deux petites questions sur. Ta passion, tout ça, mais en fait j'en ai plein d'autres, mais après pour partir un tout petit peu sur le côté libraire, éventuellement youtubeur, tout ça, mais je voulais te demander avant un truc tout bête, c'est qui ton éditeur favori en VF, alors sans se fâcher avec personne, hein, attention, hein. D'autant que je pense que parmi toutes les collections, je pense que je dois avoir quasiment tous les éditeurs dans au moins un bouquin de quasiment tout. Donc, je me fâcherai avec personne, tout va bien. mais franchement, c'est Urban. Hein. Ouais. Urban, parce que, hormis Walking Dead au début, mais j'ai beaucoup lu de séries et de DC, du coup, donc forcément, lié Urban obligatoirement. Et puis, parce que, ouais, je pense que. Parmi toute ma collection, je pense que ça doit représenter maintenant au moins 60% de toute ma collection. Quoi. D'accord. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Je pense que Urban, je ne vais pas dire la somme que j'ai lâchée chez eux, mais elle doit être vraiment. J'ai pas envie de calculer, même pour te dire, parce que je vais prendre peur. Mais vraiment, non, c'est. François Hercouette sur son voilier sur la Côte d'Azur cet été, il a calculé la somme. Les. Ah, je pense que je vais au moins payer le mât, peut-être, tu vois, dans son moyen. je sais que c'est parti là-dedans. Mais non, mais voilà, c'est Urban, pour le côté, effectivement, en fait, comme tu disais, ils ont un large choix de séries indé que je trouve vraiment quali. Et comme j'avais vraiment envie de me plonger à une époque dans quasiment tout ce qui sortait, enfin vraiment, j'achetais vraiment beaucoup de choses dans les nouveautés. à des moments, je regardais un petit peu les sorties du mois, tu vois, dans les trucs apparaître là sur leur site, et c'était vraiment genre, bon, bah, j'achète tout, quoi. Enfin, genre, c'est genre, ok, on y va, quoi. Donc voilà. Donc, forcément, ça fait qu'à l'accumulation, il y a ce truc-là. Et puis, même à côté de ça, je trouve que, juste, ils font du bon taf, globalement. La qualité des bouquins en elle-même, peut-être, n'est pas toujours au top du top, on va dire ça comme ça. En termes de fab, j'entends, hein. Mais sinon, franchement, que ce soit chez DC où ils avaient toujours des bons résumés, en fait, à la fois des persos ou du contexte édito, etc. Enfin, il y a toujours quelque chose pour te raccrocher au truc avant un petit peu de te mettre en contexte. Globalement, c'est plutôt bien. Et puis voilà, c'est l'ensemble des personnages que j'ai découvert au fur et à mesure. On n'a pas beaucoup parlé de DC, mais effectivement, il y avait le côté Batman. Mais moi, je suis très, très fan de la Trinité de base, en fait. Ouais. J'ai cru le voir quand je t'ai rencontré. Ouais, il y a un détail. Mais... voilà, c'est ça. Mais pour le coup, non, c'est surtout, en fait, là, je ne sais pas pourquoi, dès que je me suis mis un peu plus dans DC et tout, et de commencer à connaître un peu l'univers, globalement, c'est ces trois personnages-là qui m'ont attiré, mais parce que dans ma tête, je ne sais pas, il y avait le côté, je pense, peut-être même sans y penser à l'avance, c'est de toujours avoir entendu parler de la Trinité, de DC, voilà, Superman, Batman, Wonder Woman, toujours les mêmes choses. Je sais pas, il y a un côté où j'aime bien la relation en fait des trois. Cette relation-là qui est des fois un peu conflictuelle, mais en même temps, tu sens qu'il y a un vrai truc d'amitié et qui est le noyau en fait fondateur finalement même de la Justice League moderne ou même un petit peu ancienne, etc. Il y a vraiment un truc avec ces trois personnages-là que je retrouve pas forcément dans les autres personnages. C'est-à-dire que souvent, je sais que j'ai tendance à vraiment préférer DC à Marvel dans l'ensemble de l'univers, mais ce que je vais aimer surtout chez DC, étrangement, c'est aussi beaucoup les séries ou les trucs qui vont parler des personnages un peu secondaires. Genre, je sais pas, par exemple, je pensais... là, j'avais vu les... Ouais, par exemple, 52, ouais, qui est absolument excellent. Des trucs qui vont revenir sur même Checkmate aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Il y avait Justice League International aussi, avec vraiment un peu les seconds couteaux, entre guillemets, tu vois, en plus qui était une série comique. Donc, vraiment, ce genre de trucs-là, ouais, ça fonctionne à mort sur moi, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup, plus que d'aller me pencher sur les gros personnages, genre Flash, Green Lantern, Aquaman, peut-être ce genre de personnages, ou hormis la Trinité, comme j'ai dit, ces personnages-là, je les aime bien, tu vois, j'apprécie quand il y a une dynamique avec les autres, mais je ne vais pas forcément sur leur série perso. Genre, il y a des trucs que je sais que j'ai envie de lire. J'avais commencé, là pour le coup, voilà, je vais faire plaisir à toi, mais c'est vraiment le côté Green Lantern par Geoff Jones, par exemple. Je sais qu'il faut que je continue parce que c'est un truc quand même... J'avais lu la première intégrale et je sais que ce n'est pas forcément la meilleure partie. Et justement, la guerre de Sinestro arrive juste après et que ça, c'est vraiment un gros morceau et qu'il faut lire ça. Ouais. Mais voilà, ce genre de truc-là, je sais que je vais aller dessus. À une époque, quand j'ai commencé à lire Infinite, comme je disais, je voulais... Rebirth. Il y avait vraiment... je voulais un peu lire de tout, donc j'avais lu plus ou moins tous les débuts de série de chacun, que ce soit Flash, Green Arrow, Green Lantern, etc. Je me suis toujours arrêté au tome 2, tome 3, et j'ai jamais poursuivi en fait. Parce que, pas spécialement donné plus envie que ça. Mais voilà. Mais après, c'est avec la richesse de ces univers, en fait, ça te permet, de temps en temps, on peut être deux à aimer le même univers, et en fait, on n'aime pas du tout la même chose. Oui. Y en a qui vont aimer le caustique, pas du tout, aussi peut-être, mais le cosmique, des trucs beaucoup plus urbains, voilà. Et toi, en fait, si je comprends bien, t'es plus à la limite, tu préfères un héros solitaire ou bien une équipe de super-héros? Je pense plus côté solitaire, j'avoue. Ah ouais? Ouais, dans l'idée, parce qu'en fait, solitaire. Ça dépend en fait, parce que tu vois par exemple côté Marvel, les personnages que je vais préférer, ça va être justement Daredevil, le Punisher, des mecs même Wolverine. Alors certes, il fait partie d'une équipe des X-Men. Ouais, mais il y a beaucoup de récits tout seul. Voilà, exactement. Et moi je sais qu'en général, j'ai plutôt tendance à aller là-dessus. Alors c'est aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le côté un peu héros urbain, etc. que j'aime plus, parce que le thriller, le polar, tout ça, c'est toujours des trucs qui m'ont beaucoup plu. Tu vois, enfin, le côté enquête et tout, c'est toujours un truc qui m'a vachement passionné. Et du coup, forcément, ça se retrouve beaucoup dans ces personnages-là. Donc, il y a ce côté-là, Batman, pareil, hein, de l'autre côté. Mais par contre, je sais que, il y a quand même des récits d'équipe que je trouve vraiment très, très bons. Des mélanges, surtout le crise d'identité, par exemple, chez DC, que je trouve fabuleux, voilà, qui est magnifique. Mais il y en a plein, tu vois. J'ai pris quand même un gros plaisir, je pense, à suivre la Justice League de Geoff Jones, la période de New 52 aussi. C'était très sympa. Donc ça va dépendre vraiment, je pense, du récit. Mais c'est vrai que globalement, on va peut-être plus des récits perso. Ça ne me dérange pas, genre, pendant quelques épisodes, d'avoir justement l'apparition d'un autre personnage. Mais peut-être plus des team-up, on va dire, avec les persos de cet univers. C'est-à-dire, par exemple, moi, les team-up Batman Catwoman, par exemple, j'adore. Voilà. D'accord. Mais tu vois, ça reste quand même cloisonné dans des personnages qui sont quand même du même univers que le héros Ouais. principal. Putain, c'est vraiment. Tu vois, le coup des team-up, tu vois, j'aurais pas. Moi, j'aurais pas. Bah, déjà, je l'aurais pas dit, moi. Déjà. Mais tant mieux. Mais c'est vrai que ça, ouais, je l'ai pas forcément entendu. Et. Putain, si tu devais, on va dire, à un mec, voilà, il connaît pas trop Marvel, DC, et donc ça, c'est un peu avec ton ancien métier en lien avec ton ancien métier de libraire, Ouais. un mec qui connaîtrait vraiment pas trop ses univers, un petit peu au cinéma, mais pas plus, et qui rentrerait et qui dirait, j'aimerais bien lire un bouquin sur la Trinité, qu'est-ce que vous me conseillez? Sur la Trinité, le problème, Chef. c'est que... Ouais, chef. Ah, le problème, c'est que sur la Trinité, même en elle-même, en vrai, bah, après, il y a toujours des récits de Justice League où ils sont un peu plus mis en avant, etc. Mais là, comme ça, tu vois, en même temps, ça fait, je t'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas été en librairie, donc c'est des trucs ça, qui m'ont un peu lâché. Mais j'essaie de réfléchir à ton truc, mais souvent, j'ai l'impression que les petits bouts que je me rappelle, c'est souvent des bouts de run ou ce genre de trucs, tu vois, où ils étaient plus mis en valeur. Du coup, c'est compliqué de dire à quelqu'un, bon, bah, vous voulez lire ça, bon, il va falloir peut-être vous enquiller d'abord 5 tomes de la série avant que ça arrive. Pas forcément évident. Mais après, non, de base, moi, c'est plus des récits. Il faut aller plus sur des séries one-shot, je pense, clairement. Enfin, juste des one-shot de trucs. C'est à tenter, tu vois. Enfin, je sais que souvent, on avait tendance à dire les mêmes. Quand c'était Superman, par exemple, que mettons un truc Superman, ça va être effectivement. Moi, c'est Identité Secrète que je trouve génial parce que il y a le côté, on va dire, c'est Superman sans lettres, en fait. Et je trouve le métier hyper humain, en fait. Et puis magnifique. Enfin, Immonen, je trouve qu'il fait un boulot de ouf sur ce bouquin-là. Et du coup, c'est un truc que j'ai tendance à conseiller. Red Son à l'époque, parce que le côté un petit peu spin-off. Enfin, spin-off, non, pas spin-off, mais What If était un peu sympa, mais je suis un peu revenu dessus, je vais un peu moins maintenant le récit. Mais Ouais, ouais, bah pareil. les origines, ce genre de truc aussi, c'est vachement bien. Enfin, en fait, en vrai, il y a pas mal de choses. Même le All-Star Superman, pour le coup, je trouve que c'est un bon résumé parce que ça te montre tellement de facettes du personnage et de facettes de son univers aussi. Je trouve que c'est plutôt. Je sais pas si c'est une bonne porte d'entrée, mais en tout cas, je pense que même en nouveau lecteur, je pense que tu as moyen quand même d'apprécier. Outre, enfin, si tu n'es pas évidemment réfractaire de base au dessin de Kwaki, parce que ça peut être spécial si tu ne connais pas forcément beaucoup de, t'as pas lu beaucoup de comics ou t'es pas forcément dans la BD en général, mais le récit pour moi est tellement bon que, enfin, franchement, logiquement, tu dois pouvoir accrocher quand même, tu vois. Genre, voilà. Mais Ouais, après. il y a un petit côté, enfin, un petit côté catalogue, mais sans le côté péjoratif de ce que je viens de dire, mais tu vas voir plusieurs facettes du héros, de ses ennemis, de sa vie, et ça peut être un bon point de départ, et après te dire, bah, je vais plus aller vers ça, plus aller vers ça. C'est vrai. Bah c'est pas évident parce qu'en plus, je pense qu'il y a vraiment le côté chacun va vouloir chercher un truc en particulier. Donc, c'est vrai que c'est compliqué des fois de ressortir un récit en lui-même. Mais ouais, le Batman par exemple, bah en vrai, enfin pareil, tu vois, à chaque fois, je vais sortir des trucs avec des dessins peut-être un peu particuliers. Mais ouais, un long Halloween, pour moi, ça fonctionne parce que peut-être que la personne, elle a connu les films, elle a peut-être vu aussi les films de Tim Burton par exemple, et dans l'ambiance, bah, ça fonctionne. Il y a le côté Batman qui est vraiment un enquêteur, c'est une enquête tout le long du bouquin. Tu vois plus ou moins toute sa galerie de méchants. Tu as vraiment une vision d'ensemble du personnage et de ce que peut être le personnage en BD, quoi. Donc pour moi, ça fonctionne de fou. Et après, et étrangement, tu vois, Wonder Woman, par exemple, si je dois en citer un, bah pour moi, justement, ça ne va pas être un récit entre guillemets canonique. Mais je suis extrêmement fan de ce qu'a fait Daniel Warren Johnson, par exemple, sur Deaders, Ah que je trouve. Enfin, pour moi, c'est. J'ai pas. Alors, je précise, j'ai pas encore lu Georges Pérez sur Wonder Woman, donc du coup, ça fait partie des trucs qu'il faut que je rattrape. Mais j'ai quasiment lu tout le reste sur le personnage en ce qui est sorti en VF. Et clairement, ouais, Deaders, pour moi, ça a été une énorme tarte quand c'est sorti. Parce que à la fois, je trouve que le personnage est respecté. Il y a l'univers de Johnson qui est là-dedans avec ses kaijus énormes, etc., qui a tendance à mal à mettre. le rapport au deuil, plein de choses en fait qu'il a aussi mis dans ses autres récits. Et ouais, c'est enfin moi c'est un récit que je trouve absolument fabuleux et qui fait partie de mes récits préférés, tout confondu. Et chez DC, du coup, qui est un de mes préférés, ouais, je pense largement top 10 à mon avis, de tout ce qui a été fait, quoi. Voilà. Et alors c'est toujours un peu une question que j'aime bien, parce que quand je trouve une bonne formule, je la garde et j'aime bien la répéter. Mais du coup, que doit faire un scénariste pour te séduire? Et du coup, bah, forcément, quel est ton scénariste préféré? Ok. Alors, celle-là, c'est bon, j'ai la deuxième partie de question déjà, donc c'est bon. qu'est-ce qu'il doit faire pour me séduire? Globalement, moi, ça va être surtout les relations aux personnages. Est-ce que tu as des personnages qui vont être marquants et surtout qui vont me toucher personnellement? Et surtout, en fait, la relation entre les différents persos. Par exemple, Deadly Class, juste pour donner un exemple, justement, je trouve que ça fonctionne hyper bien. C'est vraiment un petit groupe de persos, donc il y en a quand même pas mal. Mais je trouve que chacun les uns avec les autres, ça fonctionne en fait. À chaque fois, il y a un truc qui me fait me dire, OK, je comprends leur motivation, je comprends pourquoi ils sont potes, et j'ai envie de les suivre en fait. J'ai vraiment envie de m'impliquer avec ces personnages. Après, il y a l'ambiance surtout aussi qui est jouée, mais je suis vraiment à fond. Enfin, il faut qu'il y ait un truc qui me happe dans l'ambiance générale du titre. Souvent, bah, du coup, effectivement, quand c'est un truc un peu noir, un récit un peu noir, thriller et compagnie, ça va fonctionner en général quasiment à 100%. Et sinon, bah, il y a le côté émotionnel où bah, je sais que j'ai tendance beaucoup à aimer les récits. C'est un peu malheureux de dire ça, mais ouais, les récits très tristes en fait, très dépressifs, même limite, hein, on va se mentir. Donc voilà. Ouais, Allez, voilà. c'est parti. J'ai éloigné tous les objets contondants autour de moi, donc tout va bien. Mais ouais, c'est ça. C'est ce genre de truc-là. Moi, je sais que j'ai une vraie appétence là-dessus, à aimer ce genre de récit-là. Tu vois, bah, dans le seul live que j'ai fait pour l'instant, sur la chaîne que j'avais fait avec Anto, où on a parlé de différentes lectures, franchement, quand j'ai fait le bilan des 4 mois de lecture que j'avais choisi, oui, les 4, quasiment, ça parlait de deuil et de trucs tristes. Hein, donc, autant dire qu'on n'est pas non plus sur la fête Non, mais parce absolue. que c'est des thèmes qui te. Bah déjà, on tous, à un moment ou à un donné, proche de ces thèmes. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on va tous réagir d'une autre manière. On sait que les auteurs sont eux aussi, à un moment ou à un autre, en fait, confrontés à ces thèmes. Et ils vont bah, en parler d'une manière qui leur sera à chaque fois personnelle, mais qui va résonner en fait en nous. Moi, tu vois, il y a un truc, il y a peut-être. Ouais, évidemment, quand j'avais pas d'enfant, ça résonnait pas pareil en fait sur moi. Moi maintenant, en fait, des bouquins où tu as des relations père-fils, et peu importe, hein, peu importe, hein, conflictuel, je plonge. Si pour peu que le petit soit malade ou n'importe quoi, Docteur Star, Fabuleux. Ouais. j'ai pleuré. Il y a dans Aquaman Rebirth, il y a un Annual de PKJ, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, Ouais. où il rêve une vie où il a son gamin et tout, et puis il est obligé en fait de. Tu sais, c'est les roses de Mongoul là. Et en fait, il rêve en fait qu'il a un gamin, et pour sortir de ce rêve, bah, en fait, il est obligé d'enlever la rose, etc. Sauf que bah, ça tue le gamin en fait, qui n'existe pas, mais lui dans sa tête, c'est son fils. L'horreur, mais l'horreur quoi. Et enfin, c'est des trucs, c'est malheureux, mais ouais, les histoires tristes, je marque souvent beaucoup plus que des histoires joyeuses, quoi. Ouais, bah en tout cas, moi, ça fonctionne là-dessus. Et ouais, le scénariste, là où il va réussir vraiment à faire son truc parfaitement, c'est effectivement qu'il a réussi à m'émouvoir, en fait, jusqu'à effectivement pour le niveau pleurs, etc. Mais Alors que tu as un cœur de pierre, on le sait tous, Aurélien. Non, pas du tout. exactement, aucune âme, hein, clairement. non, mais en fait, c'est vraiment le côté qui va réussir aussi à le faire, je trouve, mais de manière plutôt naturel, que ça vienne pas, tu vois, avec des énormes sabots, en appuyant vraiment les trucs, etc. Alors, ça va dépendre, tu vois, par exemple, je pense que peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être du tout adhérer à certains trucs. Tu vois, tu citais Dr. Star, mais peut-être que des gens ont trouvé ça peut-être un peu trop, tu vois, too much, etc. Peut-être, hein. Ouais, Mais peut-être. moi, enfin, vraiment, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et là, tu vois, je vais répondre du coup à la deuxième partie de la question, et ça tombe bien que tu m'aies donné cet exemple-là. Mais moi, c'est Jeff Lemire. Jeff Lemire, Évidemment, il tue tout le monde. Ah bah oui, ben voilà, mais c'est ça le truc en fait. C'est toujours la même chose. De toute façon, il parle de deuil dans toute façon ses bouquins, il parle de relations père-fils ou père-fille, ou ça dépend, enfin toujours de relations familiales. Donc voilà, bah, C'est il a vrai. gagné le mec. Ah, c'est tout, c'est C'est toujours vrai. comme ça. Mais ouais, en fait, il y a un côté extrêmement sensible, je trouve, dans son écriture et dans l'écriture de ses personnages, qui fait que à chaque fois, moi, ça me détruit. En fait, clairement, certains récits plus que d'autres. Il y en a que peut-être. Que tu vois, justement, les dernières sorties qu'on a eues peut-être sont un peu moins impactantes, je trouve, mais peut-être parce que j'ai fait le tour aussi de ce que j'attendais du gars. C'est-à-dire Et qu'il y a peut-être qu'il quand même. s'essouffle aussi, hein. Ouais, peut-être aussi, mais tu vois, il a toujours des. Finalement, il a les mêmes thématiques, etc., qui reviennent très très régulièrement, même sur certaines lectures, il a tendance à les changer un petit peu. Là, je pense à ce qu'il a fait avec Sorrentino, par exemple, sur. Mince, les Gideon séries Falls? d'horreur. Alors, Gideon Falls, oui, et puis aussi les nouvelles séries horrifiques là, qu'ils sont en train de sortir. J'ai oublié comment ça Je s'appelle. connais pas. Bon, bref, c'est terrible. Il y a des milliers de fumes noires, le passage, etc. Le mythe de l'ossuaire, voilà, c'est ça. Ah Le ouais, mythe. bah deux noms, mais ouais, j'ai pas vu ça. Et ben, ça, c'est très cool, par exemple. Ça reprend un petit peu des effets de Gideon Falls, mais on n'est pas forcément dans les mêmes thématiques qu'il a l'habitude de nous donner peut-être dans d'autres récits. Par exemple, pour en citer un qui est un peu. Alors, moi, mon préféré, je pense, restera Judd Joseph, où il y a vraiment une relation père-fils très, très forte et impactante qui m'a beaucoup ému, qui était sorti chez Futuropolis, au cas où. Voilà. D'accord. Je trouvais que c'est une des BD, enfin, c'est un des choix que j'avais fait dans le live justement avec Anto. Voilà, c'était celle-ci. Mais pour une autre, il y a Trillium, par exemple, aussi, qui est sorti chez Urban. Où là, pour le coup, ce n'est pas une relation de famille, c'est deux personnes à un temps complètement opposé. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est début du XXe siècle, je crois, le personnage masculin, et le personnage féminin, c'est genre en 3500 et quelques, je ne sais plus exactement. Et en fait, via un truc qui va se passer dans le scénario, vont plus ou moins réussir à se rencontrer en fait, dans une timeline en fait, qui va se réunir. Le scénario et la manière surtout dont, pareil, il va faire ses compositions. Il y a plein de moments en fait où chaque chapitre, tu vas lire l'histoire d'une manière différente. C'est-à-dire que sur un chapitre, tu as la page par exemple qui concerne le gars dans un sens, celle qui concerne la femme dans l'autre. Dans un autre chapitre, ça va être toute la partie du haut de la BD qui va être que tu vas lire donc en ligne, gauche à droite ou de revers, plus exactement. Et la partie d'en dessous, ça va être l'autre personnage aussi. En fait, voilà, c'est vraiment un truc pareil qui va être amené à t'impliquer un minimum. Et pareil, que je trouve vraiment magnifique, hyper touchant, et qui va changer un petit peu du thème habituel de la famille, même si, du coup, il y a un côté, je retrouve l'écriture de l'émir, en fait, mais qui, pour le coup, là, change un petit peu de ce qu'il fait en dehors. Et peut-être que je ne te conseillerais pas d'aller dessus, parce que pour le coup, bah, c'est le trait de l'émir, c'est lui qui dessine sur cette histoire-là, et du coup, je sais que tu as un peu de mal, voilà. Bah, Mais bon. Oh ouais, du coup, j'ai voulu essayer. Alors, attention, parce qu'il peut changer d'avis à tout moment sur une relecture. Mais j'ai essayé Sweet Tooth. J'ai essayé les 6 premiers chapitres, donc le premier volume. C'est pas tellement l'histoire, parce que l'histoire, j'ai envie de dire pourquoi pas, surtout que dans les 6 premiers chapitres, tu peux pas dire que tu as vu grand-chose. C'est vraiment le début. Mais le trait. Putain, j'arrive pas à rentrer dedans. Mais c'est. Ah, excuse-moi, hein, mais c'est. Oh là là. Là, pour le coup, en termes de très rugueux, frérot, c'est du Scotch Brit. Ouais, Oh c'est là, putain. non. C'est terrifiant. Il y a eu des fois, j'ai fait des screens, tu vois, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que cette gueule, quoi? Et j'y suis pas arrivé, hein, parce que vraiment. Je pense que je peux accepter beaucoup de choses en termes de dessin, mais vraiment. Mais là, putain, bordel, là, non, vraiment, j'y suis pas arrivé. Alors que tu vois, par exemple, Black Hammer, c'est difficile comme style aussi, tu vois. Eh ben, je suis rentré dedans, nickel. Ouais, après, c'est pas vraiment effectivement le. Enfin, c'est un peu plus. Alors, je vais dire un mot que j'aime pas trop, mais c'est un peu plus travaillé, entre guillemets, mais c'est encore différent comme style, effectivement. Où là, pour le coup, je crois qu'il n'a pas dessiné de chapitre. Enfin, il n'a pas fait de. C'est pas lui qui dessine sur la série principale, en tout cas, mais Non, non, même sur les non. notes, Ouais, il me c'en est semble. un autre. Ouais, j'ai oublié son nom, mais alors que franchement, j'ai adoré. Mais en fait, ouais, l'émir, je peux comprendre, tu vois, qu'on n'aime pas du tout, parce que c'est vrai que c'est vraiment particulier et qu'il faut accrocher au truc. Mais franchement, en vrai, j'ai vu des trucs bien plus honteux, entre guillemets. Des noms. citerai pas de nom parce que j'ai pas envie de traiter bêtement des personnes et tout qui juste vendent des BD, ils ont de la chance, donc voilà, tant mieux pour eux et pour elles. Mais ouais, l'émir, moi, en fait, c'est vraiment que je trouve que le dessin, pour le coup, me dérange pas parce que, en fait, à chaque fois que. En fait, je trouve que ça va avec son style. C'est con, mais je trouve que ça va avec la manière dont il raconte ses histoires. Et donc, quand c'est des projets vraiment que à lui, où il est aussi au dessin, pour moi, ça fonctionne. En fait, je passe vraiment au travers. Et en fait, je trouve pas ça. Pour le coup, moi, je trouve pas ça moche. Tu te laisses plus gagner par l'histoire et puis tu es ouais. Parti, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Et il y a vraiment le côté, le dessin, où vraiment ne me dérange pas, parce que je trouve quand même qu'il arrive à mettre assez quand même de vie, en fait, dans son dessin, en fait, globalement. Donc, moi, ça fonctionne. Voilà. Et Dram, il me connaît bien, parce que quand je lui dis, bah tiens, tu vois, je vais essayer Sweep Tooth, il me dit, tu devrais pas. Ouais, tu risques de... Non, ça va peut-être pas le faire. Je lui dis, oh, bah si, quand même, vas-y, je vais tenter le coup. Et non, il avait raison. C'était mais peut-être une autre fois, peut-être dans d'autres circonstances, de voilà, je serais nettement moins catégorique que ce que j'ai pu être par le passé, parce que on sait jamais. Il y a des fois, il faut savoir, tu vois, briser les premiers, comment dire, la première fois, ça va être très frontal dans le style, je vais me casser la gueule dessus. Faut savoir ronchonner un peu dans son coin, tu vois, pendant quelques mois, et peut-être y revenir dessus en sachant ce que tu vas trouver. Et donc, du coup, bah, t'évites les premiers écueils et ça te permet d'aller peut-être un peu plus loin jusqu'au moment où tac, l'histoire, en fait, elle te chope. Et après, écoute, il pourra dessiner avec les pieds. T'as envie de savoir, et donc bah, tu fonces, quoi. Ouais. Donc, bon, peut-être une autre fois. Bah après, en même temps, effectivement, ça dépend du moment, mais peut-être qu'il y a aussi des trucs juste qui ne sont pas faits pour toi, tu vois, il faut aussi accepter, en fait, le truc. Mais moi, je trouve ça dommage dans un sens, parce que c'est vrai que tu te dis, bah, ok, mais si le dessin ne te plaît pas, peut-être que tu vas être happé par l'histoire, mais la BD, bah, ça reste quand même, c'est l'art séquentiel, c'est le dessin, en fait. Donc, effectivement, tu peux trouver plein de manières différentes d'aborder peut-être une BD, mais effectivement, si le dessin vraiment te rebute trop, je peux comprendre que ce ne soit pas possible. Après... Moi, je sais qu'il y a des œuvres comme ça qui m'ont... Ce n'était pas le dessin qui me dérangeait, mais juste, ce n'était pas fait pour moi, alors que tout le monde me l'a conseillé à fond. Enfin, tout le monde trouve que c'est un chef-d'œuvre. Des fois, c'était même des très bonnes ventes, etc. Moi-même, j'avais tendance à les conseiller à des clients ou parce qu'on me demande un truc. Je me disais, bah, OK, moi, j'aime pas, mais ça n'empêche que là, concrètement, ça va correspondre à la personne qui me demande. Donc, c'est très bien. Mais pour donner un exemple tout con, mais justement, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Carbone et Silicium. Ouais. Moi, Babelais, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec son style, parce que de dessin, j'entends. Putain, c'est fou, quoi. Ouais, parce qu'en fait, graphiquement parlant, je trouve que c'est un monstre. Vraiment, il est incroyable. Je ne suis pas toujours fan de la manière dont il dessine les personnages, etc., ses visages et tout ça, ce genre de trucs. Pas forcément ce que je préfère, mais par contre, effectivement, globalement, c'est majestueux. Quand je regarde des planches de Babelais, je trouve magnifique, il y a du détail de partout, enfin, ces bâtiments, ces constructions, enfin, globalement la manière dont il met ses BD en page, c'est incroyable. Mais par contre, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout sa manière d'écrire, j'ai un blocage avec ça, et j'ai notamment un blocage avec ces BD qui ont hyper fonctionné, Shangri-La et Carbone et Silicium par exemple, où à la fin, alors peut-être qu'on me l'avait trop vendu à la base, notamment Shangri-La, et du coup j'ai trouvé le message, en fait. Le problème que j'ai avec ça, je me suis embarqué là-dedans, c'est horrible, mais... non, mais c'est super intéressant. J'ai essayé de répondre ça, justement, mais en gros, ce que j'aimais pas, c'est, je trouve que parfois, tu vois, on crie beaucoup au chef-d'œuvre, et je pense que je peux le faire moi aussi, sur certains trucs. Évidemment, quand t'aimes beaucoup quelque chose, c'est normal que voilà, tu sois un peu... T'en témoigne. Voilà, exactement. Mais je trouve que dans son écriture, il y a par moments, en gros, il développe des choses qui n'ont pas besoin d'être spécialement développés, et il y a des points, au contraire, où il faudrait du développement et où il ne le fait pas. Ou genre, c'est résumé en trois cases. Et dans Carbone et Silicium, ça m'est arrivé quelques fois de voir ça, et ça m'a un peu rebuté. Et sur Shangri-La, je trouvais que c'était globalement le message, le fond global de l'histoire qui m'a posé problème, où je trouvais que c'était vraiment là, fait avec des gros sabots. Tu vois, je crois que bah, dans la station où ils sont là, il me semble, alors ça fait longtemps que j'ai lu, donc j'avoue que j'ai pas beaucoup tenu. Pareil. Mais pour le coup, y a beaucoup de choses en arrière-plan qui t'assènent un petit peu un propos, on va dire, global de l'histoire, je trouve, et que c'est pas forcément toujours nécessaire. Et je sais pas, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu en mode, je vais dire un truc très méchant, je vais me faire défoncer, mais en gros, j'ai vraiment l'impression que j'avais un peu un truc. Je résume, je n'attaque personne, promis. Je résume. Regardez cet homme, sa carrière va être boxée dans 2 minutes. Non, en gros, des fois, j'ai l'impression que là, c'est un peu de la science-fiction pour les nuls, tu vois. C'est un peu ça. En gros, c'est... T'as bien fait de nous prévenir avant. Voilà, pardon. Non, je résume grandement avec une phrase un peu comme ça, mais c'est en mode, des fois, j'ai l'impression voilà, que c'est... En fait, j'ai rien vu de particulièrement nouveau pour le truc qu'on me vendait. En fait, c'est ça, le truc. Mmh. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, ce que j'ai lu, son histoire de SF, c'était très bien globalement, mais moi, j'ai pas trouvé quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a... Voilà, surpris ou quoi que ce soit. Et je trouvais ça un peu dommage. Et la seule BD de Babelais que j'ai lue et que j'ai adorée, qui est Adrasté, pour le coup, on sent un peu le côté SF, on est plus au côté ouais, mythologie, fantasy, etc., si tu veux. Et franchement, vraiment, l'histoire en elle-même, là, pour le coup, ouais, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas dans les autres, où il y avait vraiment, je me suis accroché à l'histoire du personnage. Il y avait de l'émotion que moi, je vais chercher en général dans la BD. Et je sais pas, j'ai trouvé le. Et pour le coup, comme globalement, j'adore le dessin de Babelais, bah cette BD-là, elle a fonctionné à mort. Enfin, vraiment, c'est. Tu vois, je l'ai même acheté, je l'ai dans la collection, bah, pour le coup, parce que. Et je serais ravi de m'y repencher dessus et de la relire, parce que j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Mais. Voilà. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien, peut-être, un jour, me refaire une. Bah, comme on disait avant, d'avoir un second avis aussi sur Shangri-La ou Carbon et Silicium, parce que je me dis, finalement, si tant de gens adorent ce truc-là, et voit des qualités que moi j'ai pas vues, je me dis bah ok, j'aimerais bien réussir peut-être, pourquoi pas, sans pour autant à la fin adorer, mais me dire ok, qu'est-ce que les gens ont vu que moi j'ai raté. Voilà. Ça peut être cool. Ça c'est voilà. Souvent une question qu'en fait on peut se poser quand il y a plein de gens en fait qui te disent, quand il y a plein de gens qui te disent que Watchmen c'est génial et que quand tu le lis t'as pas aimé, c'est pas que Watchmen c'est de la merde, c'est qu'à un moment donné il y a une rencontre qui s'est pas faite. Ça fait pas de toi un con. Ouais. T'as le droit en plus de pas l'aimer ni quoi que ce soit, puis des fois tu passes à côté d'un truc, c'est pas le moment, c'est pas la bonne rencontre, des fois t'es pas assez mûr, t'as pas assez d'expérience, t'as pas pigé le message, le téléphone il a sonné à ce moment-là, il a... Oh des fois, tu te rends compte que c'est vraiment des rencontres qui sont finalement très rapides, et des fois ça tient à pas grand-chose, quoi. Vraiment. Complètement. Mais c'est pas un... enfin, pour moi, c'est pas un mal non plus, parce que finalement, il y a tellement de propositions qui existent qu'au bout d'un moment, c'est pas grave, si t'es passé à côté d'un truc, bon bah tant pis, tu vas te rattraper avec d'autres, et puis voilà, c'est pas grave, il n'y a rien de... Ouais, puis, c'est pas comme s'il n'y avait pas 90 ou 100 sorties par mois, quoi. Par exemple. Donc, oui. Il y a forcément des trucs sur lesquels tu vas pas. Oui. Et puis sur les dizaines d'années qui sont passées, il y a tellement de trucs à relire, à rattraper, voilà, la vache. C'est pas forcément grave de passer à côté de certains trucs. Non, c'est ça. J'ai envie de te... C'est même pas une question en fait, mais enfin, c'en a un peu une, mais elle est à tiroir et j'ai envie que tu y ailles en fait comme tu as envie, ce que tu as envie de me dire là-dessus, sur le fait en fait d'avoir voulu bosser en librairie, d'y avoir bossé, d'avoir arrêté, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que. Pourquoi tu y as été? Pourquoi tu es parti? Est-ce que ça te manque? Est-ce que. Enfin voilà, tu vois un peu, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as bossé? Voilà, je t'ai fait un package. Ah, c'est un gros morceau que tu me mets là. Ah, c'est un putain de package, mais parce que je trouve. En fait, si tu veux, pour c'est pas pour t'aiguiller, mais pour te dire, c'est, en fait, je trouve. Intéressant le fait d'entendre des gens en fait parler du fait de travailler dans une librairie et dans des discours différents de ce qu'on peut entendre sur YouTube et tout, où pour moi en fait je me dis d'une certaine manière c'est des gens qui bossent dans peut-être dans leur passion, en tout cas ils bossent dans une de mes passions, et qu'est-ce qui fait qu'on y va, qu'est-ce qui fait qu'on en part, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qui à un moment donné a fait le sel de ce métier, les quelques secondes en fait dans une journée ou qui te sauve la journée, qui te, enfin c'est moi je peux, putain c'est vague hein, je suis désolé, bonne chance. Non. C'est pas vrai, c'est large. C'est très large comme question, mais je vais essayer de répondre au mieux et un peu au plus vite, parce que sinon je pense qu'on peut en parler encore vraiment longtemps là, pour le coup. Ouais. Donc je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Mais en gros, moi j'ai eu une scolarité peut-être un peu chaotique, où en gros arrivé au lycée, en fait en terminale, en gros je fais une sorte de phobie scolaire, on va dire ça comme ça, et du coup, j'ai dû passer via le CNED, etc., cours par correspondance, etc. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal en fait, à savoir, déjà à retourner dans un parcours un peu scolaire, de savoir ce que je voulais faire, même tout simplement, en fait, dans ma vie. Ça a pris vraiment pas mal d'années. Et en fait, à un moment, j'ai eu la chance aussi de bosser dans un endroit où j'avais un contrat qui était à 26 heures, et en gros, le reste du temps était vraiment censé être consacré justement à trouver en gros ta voie, quoi, ce que tu voulais faire après. Ouais. Et du coup, à l'époque, je crois que c'était 2015-2016, 2016, je dirais. Et en fait, voilà, donc ça faisait quoi? Ça faisait 4 ans que je lisais des comics et tout, vraiment à fond. Et la question de la librairie ou de bosser dans le milieu du livre, en général, s'était pas posée parce que à ce moment-là, je me disais en fait. Je pense un truc assez con, mais je pense que peut-être beaucoup de gens, peut-être ont, j'en sais rien, je m'avance un peu, mais c'était en gros, ok, ça c'est ma passion, mais un boulot, quand tu y vas, en fait, t'es pas censé apprécier. C'est genre, tu y vas pour gagner ton salaire, etc. Tu vois. Et du coup, je pense que dans ma tête, il y avait vraiment, même peut-être inconsciemment, un côté genre, bah ça c'est ta passion, mais tu bosseras pas dedans, en fait. L'idée ne m'était même pas venue. Et en fait, quand j'ai discuté avec une des personnes qui était là un peu pour t'aider, un peu à faire avancer les projets, etc., les pistes, il m'a dit, OK, bah, qu'est-ce que vous aimez et tout? Donc, je lui fais la liste et le côté du bouquin et tout vient. Il me dit, mais du coup, pourquoi vous ne bosseriez pas là-dedans? J'étais genre, bah, je sais pas, enfin, je ne sais pas trop quoi faire, qu'est-ce qui pourrait être fait? Et en fait, en me renseignant, effectivement, je me suis dit, OK, bah, libraire, effectivement, pourquoi pas, ça peut être cool. Parce que ça me donnera l'occasion déjà de bosser dans un milieu que j'aime avec des produits que j'aime où je pourrais continuer à baigner dedans quasiment tous les jours et puis ça donnera l'occasion aussi de parler avec des gens qui ont la même passion ou tout du moins qui ont envie de s'y intéresser. Donc ça c'était vraiment le point de truc et je me suis dit ok on va faire ça. Du coup j'ai fait un brevet professionnel donc en apprentissage donc ça durait 2 ans. En gros, donc, il y avait 12 semaines de cours dans l'année, donc c'est pas énorme, et tout le reste du temps en librairie, du coup. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Le contexte en lui-même fait que j'ai des choses aussi à redire, mais peut-être plus sur le contexte de la librairie où j'étais, la personne responsable, les dirigeants, etc. Enfin, voilà, il y a des choses, des fois, où je sais que j'ai des problèmes avec ça. Je sens que j'ai un problème en général avec le patronat, globalement, donc ça se passe pas toujours très bien, on va dire. Voilà. Mais après, globalement, ouais, le boulot en lui-même était hyper cool. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans parce que de base, je pense que je suis quelqu'un qui est. Alors, peut-être que ça ne se voit pas là parce que du coup, j'ai accepté de faire les vidéos, mais du coup, je suis un qui était vraiment assez timide, qui n'aime pas spécialement se mettre en avant du tout. Et du coup, c'est compliqué quand tu dois faire un métier de commerce, en fait, parce que bah, le but, c'est quand même pas forcément de toi te mettre en avant, mais c'est quand même à toi de ressortir des trucs, tu vois, de t'intéresser à la personne, d'arriver à rebondir dessus. D'essayer de faire le tri dans toi, tes goûts personnels et ce qui peut plaire à la personne. Enfin, c'est très varié. Et c'est ça aussi en même temps qui est hyper cool dans ce métier, je trouve, parce que justement, même s'il y a le côté vente, moi, qui m'embête un petit peu, c'est le côté, on va dire, financier. Mais par contre, ça reste quand même un partage, en fait, de quelque chose, d'une passion vraiment, vraiment importante. Donc, effectivement, à ce niveau-là, c'était très cool. Heureusement, j'ai pu aller après dans une autre librairie où j'ai pu voir encore d'autres trucs, etc. Ça a été assez varié. À chaque fois, j'ai eu l'occasion de m'occuper du comics. Donc ça, c'était très cool. Moi, ça m'a fait m'intéresser aussi à autre chose, c'est-à-dire le manga. Autant dire qu'avant de bosser en librairie, j'en lisais pas du tout. Genre, j'en ai lu quelques-uns et c'était vraiment, vraiment, tu vois, vraiment pas énorme. Donc c'était un monde que je découvrais. C'est toujours on va dire le médium que j'aime le moins, peut-être entre si tu classes vraiment comics, BD, c'est celui que j'aime le moins. Par contre, c'est là où j'ai fait ma meilleure découverte. Et peut-être maintenant, parce que tu vois, on parlait de Jeff Lemire tout à l'heure, effectivement, je pense que c'est mon artiste et scénariste préféré. Et en même temps, oui et non, parce qu'il y a aussi, je suis désolé, je suis une parenthèse là-dessus, mais c'est, tu vois, un mec comme Naoki Urasawa. Drame de l'être, on a sûrement déjà parlé, ou entre autres, etc., qui a écrit Et des voilà, choses. c'est plus parler, hein, c'est. C'est du harcèlement, on peut le dire. Voilà. Mais ouais, un mec comme ça qui a écrit des trucs genre Monster, par exemple, 20th Century Boys, Yawara, Billy Bat, voilà. Tout ce genre de trucs-là. Je trouve que ce mec-là est un monstre absolu. Et en termes d'écriture, ce mec-là, c'est le seul qui a réussi à me faire chialer. Enfin, à me faire chialer. J'y vais un peu fort, mais à me faire verser une larme, en tout cas. Pas parce que ce que je lisais à ce moment-là était spécialement émouvant, mais parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais dans l'histoire et à quel point je trouvais ça extrêmement bien écrit, à quel point je trouvais ça fou, à quel point c'était hyper prenant. Et vraiment, ça m'a ému juste pour ça, quoi. Vraiment, c'était fou. Je te fais juste une parenthèse parce que on voulait en discuter de 20th Century. Ouais. Putain, t'aurais pu l'appeler autrement à un moment donné. 20th, putain, tu vois, il y en a, je te jure, ils peuvent croire que tu sais, c'est fin. Ah, il en rajoute sur l'accent. Non, frérot, c'est un truc de fou. Dès que j'essaye de parler anglais, j'ai des dents qui poussent dans la bouche n'importe comment. C'est ça, c'est n'importe quoi. Dans 20th Century Boys, la fin, j'ai pas trop aimé la fin, vraiment. La fin était, c'était pas trop mon truc. Je spoil pas, mais la fin était pas trop mon truc. Mais par contre, tout le déroulé dans la jeunesse, j'ai vu le Japon de cette époque-là, quoi. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais Et vas-y, ouais, non mais enfin, et il te le fait vivre en fait, comme dans mes souvenirs, je vois mon quartier quand j'étais gamin en fait. J'ai pas souvenir. Enfin pour moi, un autre qui m'a fait vivre en fait une époque, la rue, des sentiments, enfin de cette manière-là, de cette nature-là. Je sais même pas comment les expliquer. C'est vraiment voilà une époque, un quartier, une ambiance. C'était Franquin en fait dans les Gastons. Okay. Plus que les gags, plus que les trucs comme ça, chez Franquin, c'était vraiment quand il dessinait la rue, les gens, le pochetron du coin, l'affiche qui se décollait un peu sur un mur. Enfin, tu fais. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et j'ai sur les conseils de drame, bah, j'ai acheté les Monsters. Hein, ils sont là, hein, les bons Monsters. J'ai lu le premier. J'ai dit, c'est incroyable, ça a l'air génial. Faut absolument que je prenne le temps de tous me les faire. Et ça doit faire 3 ans. Je comprends, on a tous des séries comme ça qu'on garde dans un coin et qui restent là pendant des années de regarder avec quand tu veux, frérot, je suis là, je t'attends. Non, mais Mais c'est désolant. les Excuse-moi, je Monsters. t'ai coupé, mais ça m'a fait Non. plaisir que tu parles de lui, du coup. Non, non, mais tu as totalement raison parce que tu vois, moi, j'ai jamais forcément percuté ce côté-là de son écriture et effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Et en plus, la comparaison avec Franquin, c'est quand même pas dégueu, tu vois, mais, Ouais. clairement. On est sur deux génies, de sont pour moi absolus. Mais là, en fait, où moi je trouve Urasawa très très fort, Monster, je pense que je te conseille même plus que 20th Century Boys parce qu'effectivement, en fait, je pense qu'au global, pour moi, par exemple, c'est Monster qui m'a fait verser une larme sur le côté qualitatif de l'écriture que je trouve vraiment fou. C'est vraiment celui-là, c'est le premier que j'ai lu d'Urasawa, donc peut-être que ça joue aussi, mais je pense que justement, moi, au contraire, 20th Century Boys, je le préfère pour la fin. Mais quand je dis Ah pour la ouais. fin, c'est pour les dernières pages. Parce que les dernières pages, elles vont chercher un truc particulier qui me touche moi vraiment particulièrement. Et du coup, en fait, ça fait tout le reste. C'est-à-dire que je trouvais que déjà, globalement, l'histoire était géniale. Les personnages, comme je disais, l'ambiance, pareil. Enfin, c'est tout ce que je veux retrouver, tout ce que j'aime retrouver dans une BD, bah là, il y a tout. Il y a absolument tout. La qualité d'écriture est folle. Urasawa, là, c'est là où je trouve qu'il est très fort. C'est que, pour moi, son truc principal, tu vois, on parlait justement du fait de. Avoir des fois de lire un tome qui sort des mois ou même des années après un précédent, je trouve que ce mec-là a une capacité folle, même dans les tomes en question, à ne jamais te perdre. En tout cas, moi, j'ai jamais été perdu quand je lis Monster ou 20th Century Boys, alors qu'il y a beaucoup de personnages, il y a des timelines qui s'entremêlent sans arrêt, genre C'est il vrai. retourne en arrière, il va dans le futur, etc. C'est très mélangé. Tu pourrais dire C'est que très. Ouais. ça va faire un foulis monstre, et en fait, non, parce que le gars, à chaque fois, il arrive à te reposer le contexte, à te reposer les personnages, à tout remettre en place pour que tu ne sois jamais perdu. Les seuls moments où tu es perdu, c'est parce que tu es perdu comme les personnages. Et donc, il veut te paumer. Mais dans l'histoire en elle-même, je trouve que c'est quand même fou de se dire que le mec, des fois, il peut mettre une vingtaine de persos différents, même plus. Et pourtant, à chaque fois, tu es redevant. Tu ne te poses pas la question de savoir, attends, mais c'est qui celui-là? Pourquoi il est là? Ça n'a rien à faire. Et seul truc avec lequel tu peux te paumer, c'est peut-être le côté. Un truc tout con, mais vu qu'on est habitué aussi aux noms occidentaux, etc., peut-être les prénoms, les noms japonais, etc., ou peut-être là tu peux te paumer là-dedans vite fait et tu vas avoir 2 secondes pour te retrouver le personnage. Non, Mais ça globalement, ça peut arriver, tu vois, mais je sais que, mais globalement, dans l'histoire, jamais, jamais t'es perdu, quoi. Ça, c'est fou. Enfin, vraiment, c'est une dingue. Je trouve que j'ai pas retrouvé ça ailleurs, en fait. J'ai moins de problèmes avec les noms japonais qu'avec les noms anglais. Tu vois. Ouais, mais je comprends totalement. Bizarre, tu vois, mais. Non, oui. Après, c'est. T'en parles bien. Hein. T'en parles bien. Bah, comme de tout le reste, de toute manière, mais. Mais. D'autant que c'était pas la question à la base, mais. Hein? J'ai pas compris. Non, c'était pas du tout la question à la base, mais. Oui, c'est vrai. Du coup. Et la librairie, alors? Comment ça va? On va y retourner, finalement. Non, mais en fait, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que pour le coup, en plus, je fais une parenthèse là-dessus, mais c'est vrai que Urasawa, en fait, c'est Anto qui en avait beaucoup parlé à l'époque. Parce que du coup, je ne vais pas dire où non plus, mais on a bossé ensemble, en fait, au même endroit avec Anto, donc voilà. Et du coup, c'était lui qui m'avait parlé d'Urasawa à la base et pourquoi je suis allé dessus aussi. Bref, et donc la librairie, oui, bah, actuellement, effectivement, j'y suis plus depuis déjà, je dirais, 2 ans et demi, là, ça fait. Ouais, 2 ans et demi. Ça commence à faire beaucoup. Et en vrai, ouais, ça me manque beaucoup parce que à une époque, je pense que je suis assez dur en général avec moi-même. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'aspects du métier sur lesquels, tu vois, je ne suis pas non plus incroyable, tu vois, mais que ça demande à être amélioré. Mes collègues et mes potes en général ne sont pas aussi durs que moi, mais moi, c'est la vision que moi j'ai de moi-même, en fait, et de mon travail. Donc après, ça, c'est personnel. Mais par contre, effectivement, il y a le côté manque, ou même le côté vente, finalement, me manque un peu, parce que, comme je disais, il y a le côté partage, en fait, de passion, etc., le côté de pouvoir relire de tout, et de, pas de te forcer, mais juste d'aller sur des titres sur lesquels tu n'irais pas, de base, parce qu'il faut quand même pouvoir les conseiller, etc., pouvoir en parler si tes collègues ne sont pas là. C'est un métier que je trouve aussi absolument incroyable, parce que, en fait, il est très varié. Moi, c'est ça que j'aime, en fait, dans ce métier-là, c'est que, un truc tout con, mais tu vois, effectivement, il y a le côté vente, le côté lecture, etc., hors temps de travail, ça je précise, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, surtout des jeunes, c'est qui viennent et tout, des fois poser des CV en mode « j'aimerais trop bosser en librairie, je vais pouvoir lire plein de mangas », bah ouais, mais oui non, parce que c'est pas que ça, en fait, c'est pas, tu lis pas non plus sur ton temps de travail, c'est vraiment en dehors, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ton temps perso pour améliorer ton taf, en fait, c'est plus ou moins ça. Ce qui est quand même incroyable. Voilà, c'est ça. C'est un concept, hein, c'est un délire. Ouais, c'est ça, mais tu vois, il faut l'accepter aussi, parce que je peux comprendre que tu te dises, bon, une fois que tu sors du boulot, c'est bon, tu vois, tu veux t'en éloigner, je peux comprendre un tout, j'ai un temps de travail, et le temps, après, le reste, c'est autre chose. Ben là, forcément, il faut quand même t'accaparer du temps pour ça. Quand c'est vraiment un côté passion, on va dire, ça aide un petit peu, mais c'est pas non plus, enfin, ça solutionne pas tout, clairement, des fois, tu as juste envie de faire autre chose et de couper, point. Donc, voilà. Mais à côté de ça, ouais, ne serait-ce que, tu vois, d'avoir des livraisons toutes les semaines, de récupérer tes cartons, quand tu as tes nouveautés en plus dedans, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'était Noël toutes les semaines, tu vois. C'est vraiment le plaisir de dire, d'ouvrir un carton de trucs. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est ça. C'est tout. Donc, dit, putain, il y a ça, c'est vrai. Trop bien. Tu vois, genre, j'avais oublié même. Ou alors, putain, ça, je l'attendais à fond et il est là et je vais pouvoir le mettre en avant. Je vais même, moi, pouvoir le lire là très vite ce soir et tout. Enfin, c'est un truc qui est génial. Le côté, alors après, il faut aimer aussi ça, mais t'as le côté aussi un peu plus basique. Moi, j'aime bien aussi, des fois, avoir des tâches où je fais juste mon taf d'employé, entre guillemets, c'est-à-dire, tu vois, un travail de caisse, par exemple, ça me va bien aussi, tu vois, je suis en mode, genre, voilà, je fais juste mon taf, ça me va bien, j'ai un petit échange avec les gens qui viennent payer leurs trucs, c'est cool, ça m'amène à avoir des gens très différents, ça, c'est, tu vois, et en fait, il y a plein d'aspects de ce métier-là que j'aime beaucoup, le côté avec les représentants aussi, qui viennent te présenter des trucs, tu vois, tous les 2-3 mois, où ils viennent en boutique et tout pour te dire bah voilà, là, dans 3 mois, il y a ça qui sort. Ok, tu en prends combien? Il y a un côté un peu de négo, forcément. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus le côté commercial. Mais en fait, ça mélange plein d'aspects. Et du coup, ouais, c'est ça, moi, qui je trouve fabuleux dans ce métier. Et du coup, dans lequel j'ai très, très envie de retourner. Même si, tu vois, on est dans. Bah, forcément, là, le côté un peu négatif, mais on est forcément dans un monde où tu as vraiment des prix de tout qui augmentent à fond, notamment le prix des bouquins, du coup, forcément, parce que c'est ça va aussi avec. Mais du coup, ouais, quand tu gagnes un pauvre SMIC, bon, bah, il n'y a pas de mal à gagner le SMIC, c'est pas ce que je dis, mais en mode, bah, forcément, oui, ça va te limiter aussi à côté pour des activités, des hobbies, ce que tu veux. C'est un peu le problème de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de professions qui ne sont pas payées à leur juste valeur, tout simplement. Ouais, mais bon, c'est seulement un investissement quand même qui est considérable. Et à un moment donné, tu es obligé de réfléchir, comment dire, de déshumaniser un peu la question, je pense, tu vois. Ouais. Quand il y a ouais, du pognon qui est en jeu et que, voilà, ou pas, hein. Mais après, ça, c'est vraiment des choix de métier passion, ou alors c'est, il faut peut-être se dire, tu le fais pendant un temps en tant qu'employé pour prendre de l'expérience, après tout ton truc, ou mais après, attention, moi, juste le principe, tu vois, de se dire, tu fais ton temps de travail, mais quand même à côté, c'est du plaisir, mais c'est du travail aussi, de devoir lire et tout, ce qui accapare, en fait, de ton temps libre, et pour toucher le SMIC, bah, en fait, non, tu vois. Oui, c'est ça. C'est, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que tu as vraiment envie de t'investir? Non, ça c'est clair. Mais là, justement, moi, c'est ce que je vois là. Là, le taf que j'ai actuellement, alors, il n'est pas fabuleux. De base, c'était parce que aussi j'ai réussi à l'avoir et c'était très cool. Et franchement, je préfère ça que de bosser peut-être dans d'autres endroits. Mais ça reste du boulot alimentaire, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, j'ai quand même une bonne paye, on va dire, par rapport à mon poste. Et je sais très bien que si je retourne en librairie, là, je vais quand même perdre de la thune. Mais en vrai, honnêtement, je préfère parce que là je me fais globalement chier quand même dans le boulot où je suis, pas la faute forcément du boulot, juste mes ressentis perso, mais voilà quoi, enfin, c'est dommage, mais par contre ouais, c'est un truc qui me manque vraiment beaucoup, et maintenant que j'y étais, et il y a aussi un truc, je pense que c'est en mode tu vois, j'ai mis tellement longtemps à savoir ce que je voulais faire, etc., et en fait maintenant je me rends compte que bah, y a un seul truc que je veux, c'est ça. Vraiment, pour l'instant en tout cas, ça fait quelques années et pour l'instant ça ne bouge pas. Genre, je veux bosser en librairie, je veux faire ça et c'est tout. Et tant pis pour les à côté, pour les efforts, on va dire, que ça peut demander. C'est comme ça, quoi. Donc c'est ce plaisir-là qui sera le plus essentiel. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Bien heureux le libraire qui aura l'intelligence de te récupérer. Hein. Bah écoute, on va voir. J'essaye en tout cas actuellement, mais c'est pas évident. Hein, donc voilà. Bon, forcément, c'est pas le plus porteur, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà. Moi, non, mais j'entends, mais après, c'était pas forcément le secteur aussi où il y a. Enfin, il faut quand même un sacré bagage. Enfin, si c'est pour faire de la caisse, tu peux trouver plein de gens, mais si c'est pour faire vivre une boutique et conseiller les gens et bien les conseiller et leur donner envie de revenir, je pense que les profils, faut... il y en a peut-être pas 150 000, tu vois. Mmh. Enfin, ouais, tiendront le discours que tu tiens, tu vois, c'est quand même un discours de vraiment de passionné, quoi. Vraiment de. Merci. Non, mais enfin, bah, factuellement, hein. Ah oui, non, mais écoute, de toute façon, c'est clair que là, depuis 10 ans, hein, ça reste un truc. De toute façon, là, je ne serais pas là actuellement, de toute façon, à te parler. Ce n'était pas forcément la passion de la BD en général, d'ailleurs, pas que le comics, mais la BD en général. Mais oui, bah, de toute façon, c'est clair que moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et oui, j'espère bien avoir la chance d'avoir une chance, en fait, là-dedans. Et un jour, pourquoi pas reprendre un truc, mais reprendre, je ne vais pas créer de zéro, parce qu'à mon avis, ça, c'est tellement casse-gueule que c'est très, très, très, très chaud. Donc, pourquoi pas reprendre quelque chose, histoire d'éviter justement d'ailleurs d'avoir un responsable au-dessus de ta tête, parce que c'est bien aussi. Oui, bien sûr. Au moins, quand tu te casses la gueule, bon, bah, tu sais que bah, c'est ta faute, hein, pour le coup. Donc voilà. Mais voilà, mais ouais, ce côté-là, puis je ne sais pas, de faire vivre un rayon aussi, c'est hyper, hyper plaisant, parce que tu vas le construire à la fois avec tes goûts et ce que toi, tu avais envie de mettre en avant, et en même temps, il faut t'adapter à ta clientèle, parce que chaque boutique a une clientèle différente, chaque quartier a une clientèle vraiment spécifique, entre guillemets. C'est tout con, mais des fois, tu as des quartiers qui sont plus populaires, d'autres quartiers un peu plus riches, etc. Et ça va varier forcément dans les goûts des personnes et tout. Étrangement, ça joue quand même pas mal, même s'il y a des exceptions, évidemment. Hein, on n'est pas lié forcément à ça. À sa classe, on va dire, de base, hein, clairement. Mais c'est sûr que voilà, chaque librairie a son truc différent et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que j'aimerais bien aussi me dire. Là, peut-être potentiellement, pour l'instant, moi, j'ai bossé que dans des librairies spécialisées BD. Et je me dis, pourquoi pas tenter en librairie généraliste, parce que je ne l'ai pas encore fait. Alors, évidemment, de préférence en rayon BD, parce qu'autant dire que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, Amélie Nothomb. voyons. Voilà, j'ai quelques bases, on va dire, en termes de noms, de bouquins, etc. C'est bon, je pourrais. Mais par contre, dès qu'il s'agit de résumer plus, bon, là, ça va être plus complexe. Mais tu me fous en rayon sciences humaines, par exemple, un truc à la con, bah, ouais, c'est fini. Hein. Enfin, vraiment, je pense que les gens vont très vite se rendre compte de la super Paris. Donc, c'est un peu problématique. Sciences naturelles. Alors, la digestion, la bouche, la nu, et puis entre les deux, le mystère de la vie. Alors, parlons comics plutôt. Très bien. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, quoi. Donc, mais ouais, le but, c'est quand même de dire, voilà, pourquoi pas bosser en librairie généraliste, parce que même si ça serait quand même pour conseiller de la BD, il n'empêche que c'est pas forcément le même public. Et moi-même, à côté, je sais que je devrais conseiller d'autres choses et tout, donc ça me poussera peut-être à encore élargir un peu plus les horizons, etc. Et juste ma culture générale, les goûts aussi. Donc, ça peut être que positif. Et ouais, c'est un petit challenge, dans un sens où tu te dis, bon, bah, ok, j'ai fait ce contexte-là. Est-ce que je peux le modifier? Est-ce que je pourrais être bon là-dedans? Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi? Et peut-être qu'une fois que j'aurai tout vu, tous ces contextes-là, bah peut-être à ce moment-là, réfléchir après, et si on a les moyens, évidemment, parce que ce n'est pas forcément évident, parce que je pense que, enfin, crois-moi, à mon avis, tu vas en banque pour demander un prêt, pour faire, excusez-moi, vous voulez ouvrir quoi, une librairie? Bah, on va y réfléchir à deux fois, on va voir un peu quand même. Voilà. Faut avoir l'air insolide. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, il y a ce côté-là, mais ouais, ça serait vraiment le meilleur truc. Et puis, c'est con aussi, mais de pouvoir organiser aussi des événements en lien soit avec justement la BD, le comics, ou juste inviter des auteurs et des autrices. Ça, c'est génial. Enfin, vraiment, ouais, d'abord, ou des youtubeurs. Aussi, bah, ça, non. Mais... ça dépend lesquels. On est des grouillots. Et... non, on est pas... personne. Ah, mais en vrai, ça peut apporter des trucs vachement intéressants, parce que c'est toujours cool aussi de voir peut-être que des fois, c'est certains clients qui sont aussi... preneur, parce que ça reste, bah, notamment pour le comics, ça reste un petit milieu quand même, et du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent quand même des vidéos YouTube, qui écoutent des podcasts, etc. Et du coup, je pense que c'est toujours bien pour eux, peut-être, de discuter aussi directement avec les personnes. Je blaguais, hein, parce que, en toute honnêteté, j'ai une vision peut-être assez noire, en fait, de quelle manière, en fait, on est vu, les youtubeurs. Je pense que youtubeurs, créateurs de contenu, aussi youtubeurs, quoi. Mais il y a pas mal de gens, en fait, qui nous regardent, mais on n'est pas forcément très bien vu, et souvent un peu ignoré et méprisé par d'autres partie, en fait, de gens qui peuvent en parler, tu vois. C'est ouais. On n'est pas la branche de la famille la plus j'allais dire la plus noble selon certains, ouais. Et moi, je trouve pas, tu vois, je trouve que c'est, ouais, j'ai bien en tête quelques personnes qui nous regardent un petit peu de haut, mais je suis convaincu, en fait, qu'ils ont tort. Et puis, de toute manière, le sujet appartient à tout le monde. Pour le coup, alors déjà, ouais, totalement d'accord là-dessus. Après, je sais que, enfin, tu vois, je regarde très peu YouTube globalement, en vrai. En tout cas, pas le YouTube comics. Je le faisais beaucoup plus avant, il y a plusieurs années, et un peu moins maintenant. Il n'y a que quelques chaînes que je regarde de temps en temps, certaines plus assidues que d'autres, dont la tienne, hein, pour le coup. Donc, c'est aussi pour ça, moi, j'étais ravi que tu me demandes de participer à ce format-là. C'était super cool. Mais c'est vrai que c'est rare, mais ouais, je pense qu'il y a toi, et après forcément Anto, parce que bon, bah, c'est le copain de base, donc forcément, j'allais dire l'autre gros con, mais il se serait reconnu. Oh, il se reconnaît dans tous les cas, il n'y a pas de souci, de toute façon, il n'y a pas de problème, il sait très bien. Mais non, mais voilà, il y a effectivement ça, et puis après effectivement, après, ça va plus tourner peut-être dans des podcasts où alors je sais que voilà, ils font pas forcément toujours l'unanimité, on va dire, mais justement, par exemple, moi je suis très client de ce que font par exemple Arnaud et Corentin sur First Print, par exemple, même ce qu'ils font sur Comics Blog, etc. Je peux comprendre qu'on adhère pas toujours soit à leur manière de faire ou à leur ligne édito, ce que tu veux, enfin voilà, je peux comprendre, mais moi je trouve que ça reste quand même des mecs qui me donne envie de continuer à les suivre déjà, qui me donne envie de m'intéresser aussi à ce dont ils parlent, qui font en général quand même des sujets plutôt de fond, et qui le font plutôt bien, tu vois, qui passent du temps là-dessus. Pour moi, c'est une bonne... ça fait partie des gens que j'aime bien suivre. Et après, voilà, il y en a deux, trois autres comme ça, où là, pour le coup, ça va être plus du divertissement. Typiquement, le Comi des Comics, par exemple, pareil, je regarde tous les mercredis dès qu'il sort son format, je regarde. Mais vraiment, par habitude, mais aussi par plaisir, parce que le gars me fait marrer. Et je sais que de toute façon, quand je regarde, je ne vais pas là pour forcément apprendre des trucs, tu vois. Mais j'y vais vraiment parce que le mec a il anime bien, il a un truc vraiment qui est cool et tout. Et voilà, j'aime bien le suivre. Oui, il y a une énergie. Voilà, puis ça permet en plus un petit fil d'actu. Exactement, c'est ça. De te maintenir quand même au courant de certains trucs, même si dans ce cas-là, je pourrais très bien me dire, OK, si je fais le tour des sites d'actu comics, je suis sûr que je trouve les mêmes choses, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais là, le fait que ça le regroupe, que c'est fait de manière rigolote, etc., machin, bah, moi, ça me plaît bien. Et voilà, je trouve que globalement, mais c'est un peu le genre de truc-là que je vais regarder plus chez les youtubeurs, peut-être, parce que même si toi, pour le coup, il n'y a pas forcément ce côté-là en mode que full. Blague ou actu ou quoi que ce soit, parce que tu parles quand même de lecture, etc., et tu essaies quand même de vraiment parler de tes lectures. Mais il y a le côté quand même qui est agréable à suivre parce que bah, au milieu, ça se prend pas forcément au sérieux, tout en étant sérieux, c'est ça qui est important aussi, c'est que tu parles de sérieusement des choses en étant toi-même pas sérieux avec toi-même. C'est un peu bizarre la manière dont je dis, mais c'est un peu ça. Non, mais Mais c'est tout à ouais, fait ça. mais ça, mais il y a un Faire côté les vraiment. choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est hyper cool. Et voilà. Donc, c'est Mais c'est pareil, là, je vais super vraiment gentil, hein. très Merci bien beaucoup. YouTuber. Ouais. Écoutez, pas de soucis. Non, mais enfin, ça fait. Enfin, c'est toujours aussi étrange, en fait. Quand tu reçois des compliments et tout, tu vois, ça fait 6 ans et je suis content de pas m'y habituer, en fait, tu vois. Parce que, bah, déjà, parce qu'il n'y en a pas non plus tous les jours, hein, on peut se raconter des conneries, hein. Mais j'avoue que quand il y en a, bah, ça fait quand même vraiment super plaisir. Et puis parce que j'ai fait, c'est bizarre, en fait, parce que enfin, comment expliquer ça, putain de merde, en quelques mots, mais c'est. Enfin, moi, je vois, en fait, si tu veux, ce qu'il y a autour de moi, et je suis juste un passionné, en fait, qui parle dans une pièce de sa maison et qui s'amuse à parler de ça et qui s'amuse à. Mais en fait, enfin, tout un tas de trucs dont on avait déjà parlé, tu vois, le fait d'aimer se mettre en scène, de parler, d'essayer de trouver des trucs, en fait, qui permettent d'accrocher les gens, mais pas pour leur vendre quelque chose, mais pour le plaisir, en fait, de partager quelque chose avec eux. C'est complètement con, tu vois, mais c'est voilà le côté le oui, mais enfin tu vois le côté oratoire où enfin on en avait parlé tous les deux, tu vois, c'est vraiment un truc qui me plaît, mais enfin ouais, c'est bizarre quoi, mais en fait Pas forcément, c'est c'est le médium en plus est hyper cool, a donné l'accessibilité à ce truc-là à tout le monde, donc de pouvoir faire ça en fait, donc c'est hyper mais top. carrément. Et je m'amuse en plus à voir comment dire, entre guillemets, l'utilité que tu as à voir, en fait, ton nombre d'abonnés augmenter. Parce que au final, tu te. Et c'est un côté qui est très pernicieux. Parce que si tu veux, plus tu vas avoir des abonnés et plus tu vas potentiellement avoir des opportunités. Pas forcément de SP ou de ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu te dis que tu vas potentiellement avoir l'opportunité d'inviter des gens bah, qui t'auraient tout simplement pas calculé, tu vois. Et de me dire que j'ai pu avoir Thierry Mornay, François Hercouët, tu vois, qui viennent, qui prennent du temps pour discuter. Oh putain, j'achète les bouquins qu'ils éditent. Ouais, c'est trop bien. C'est trop J'achète les bien. bouquins qu'ils éditent et depuis longtemps, et tu réussis à les avoir et à discuter, tu vois, et enfin, c'est hyper intéressant, quoi, ce côté-là. Et enfin, voilà. Enfin, mais du coup, toi, parce que tu parles de moi, mais qu'est-ce qui, à un moment donné, t'as donné envie de créer ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est quoi Alors, le truc? Alors, où on en est? je vais juste faire un dernier point sur ce qu'on disait juste avant, parce que Vas-y, vas-y. on parlait justement des compliments, etc. Et comme ça clôture ta question d'avant. Mais tu vois, par exemple, le fait justement, dans le métier de libraire, il y a un truc que moi je trouvais trop cool, c'était par exemple justement quand tu as conseillé une BD à quelqu'un, que la personne revient et te dit, putain, ça c'était vraiment trop bien ce que vous m'avez conseillé là, j'ai adoré, je vais prendre la suite, ou alors qu'est-ce que vous pouvez me donner d'autre dans le même genre et ça. Et d'avoir juste une personne, genre, je sais, là j'ai un exemple en tête, tu vois, mais quand la personne était revenue un matin et tout, me ramener le bouquin en me disant, genre, putain, c'était trop bien et tout, voilà, j'ai adoré, juste ce truc-là, ça me refaisait ma journée. Il pouvait se passer n'importe quoi dans le reste de la journée de merdique, c'est bon, genre, c'est validé. Et c'est juste le plaisir de dire, ah, putain, ça y est, il y a quelque chose que toi tu aimes vraiment profondément, qui a touché quelqu'un d'autre, qui a réussi à toucher quelqu'un d'autre, et qui en plus a fait l'effort de revenir te voir pour te dire que le ressenti qu'elle a eu. Et ça, c'est, enfin, franchement, c'était vraiment top. Ça fait forcément un petit truc aussi à l'ego, entre guillemets, tu vois, mais juste le plaisir de te dire, j'ai réussi à repartager un truc, une œuvre que je trouve importante et qui a touché quelqu'un d'autre, c'était génial. Donc oui, il y a ce côté-là aussi de libraire que je trouve super, vraiment C'est un super. rôle de passeur, quoi. Ouais, il y a aussi beaucoup de ça, ouais. Et ça c'est top. Mais tu vois, dans un sens, justement, le côté YouTube, il y a aussi le côté passeur, parce que c'est pareil finalement, parce que même s'il n'y a pas le côté vente derrière, tu vas quand même parler de quelque chose que tu aimes, et derrière ça, tu vas avoir justement des gens qui vont peut-être se laisser tenter par le truc dont tu as parlé, parce que je sais pas, il y a un terme ou deux dedans qui leur a parlé, un dessin, un bout de scénario, enfin voilà, qu'importe. Mais il y a quelque chose qui les aura touchés et du coup ça va fonctionner. Derrière ça, ils vont aller dessus. Et ça, c'est hyper top parce que justement, même surtout dans le comics, ça reste malgré tout un public très de niche quand même. Et du coup, le passage de flambeau, entre guillemets, de parler d'une œuvre, surtout pour moi, pour bien des justement, c'est hyper important parce que ça permet aussi, je veux dire, c'est un truc tout con, mais même une vente de plus. Enfin, c'est déjà ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment, tu as réussi à toucher quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne-là, elle va elle-même en parler à quelqu'un d'autre, en parler à des amis, à de la famille, etc. Va le prêter, va le filer en bibliothèque, j'en sais rien. Et ça, c'est génial. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, le côté YouTube, effectivement, là-dessus, c'est aussi top de ce côté-là. Et du coup, pour répondre à ta question, maintenant, qu'est-ce qui m'a donné envie? En vrai, c'est surtout que il y a 4 ans, ouais, 4 ans maintenant, j'ai eu un truc pas très rigolo qui m'est arrivé et tout, qui arrive à plein de monde, mais qui n'était pas très rigolo, où j'ai très très mal vécu. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu envie de faire plein de choses pour essayer de passer outre. Il se trouve que du coup, je ne suis pas allé sur ce truc-là, parce qu'en fait, de base, c'était l'idée de faire un podcast en fait, pour parler de comics, de BD, etc. en général. Il se trouve que du coup, ça fait 4 ans qu'on est toujours au même point, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé. À la fois par énorme fainéantise et aussi parce qu'il y a un côté un peu, je pense, un peu syndrome de l'imposteur que beaucoup de gens ont, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas vraiment apporter de nouveau dans l'équation, tu vois? Alors, c'est une question qui est con parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de se la poser, parce qu'en vrai, ce n'est pas vraiment le but d'apporter quelque chose de nouveau, mais juste de partager quelque chose. Donc voilà, mais j'ai toujours ce côté-là en me disant, ok, la forme, j'aimerais bien apporter quelque chose autre en fait, trouver une idée, ferait peut-être de chronique particulière, etc. Oh, je pense que je t'inviterai à lire les commentaires qui auront en dessous de cette vidéo, je pense. On verra. On verra ça plus tard de toute façon. Non, De mais toute je te façon. dirai après, je te dirai Oh, après. il n'y a pas de souci. Mais non, mais tu vois, enfin oui, même des potes qui sont chauds même pour faire ça, etc. Qui auraient été chauds même à une époque et tout pour lancer ce format-là. Et en vrai, oui, j'aimerais beaucoup. Mais du coup, pour revenir à YouTube, donc pour l'instant, j'ai juste créé une chaîne parce que c'est con, mais même de voir Anto, tu vois, qui en avait créé une il y a 2 ans pendant la période du Covid, etc., et qui s'est lancé, qui continue. Moi, j'étais vraiment assez admiratif de ça parce que connaissant un peu le bonhomme, en plus, je me suis dit, je sais que c'est pas forcément, à la base, c'était pas forcément son truc. Et de voir comment il a réussi à se mettre dedans, à continuer, etc. À être maintenant à 2 ans, 2 ans YouTube avec de la qualité, je trouve vraiment dans le film, parce que certes, il ne fait pas de vidéo, mais il fait quand même des lives extrêmement réguliers sur plein de sujets. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup sur sa chaîne, c'est que concrètement, il parle de tout, enfin de tout ce qu'il aime en tout cas, et ça, c'est vraiment top. Et Voilà. juste pour dire un truc, c'est le moment où on va lui lécher la pomme, mais je ne sais pas si les gens se rendent compte en fait de ce que c'est, de ce qu'il fait en fait, de balancer un live, en plus très régulièrement, où il est tout seul, où il va partir sur un sujet, il a son organisation, il a les gens qui viennent l'écouter, et il va tenir son auditoire pendant 2 heures, 2 heures et demie. C'est juste. C'est incroyable d'arriver à faire ça avec naturel, aplomb, sans jamais être redondant, en étant organisé, en avançant des idées, avec sa bonhomie, sa gentillesse, son truc. Enfin, c'est pas une vidéo sur laquelle tu peux monter, tu fais des cuts et tout. Non, non, non. C'est t'appuies, les gens sont là, la salle s'est ouverte, le rideau s'est levé, c'est parti, quoi. Et enfin, c'est en termes d'exercice, c'est absolument, c'est brillant ce qu'il fait, c'est brillant. Je le verrais pas du tout faire des vidéos. Oui, c'est un autre, c'est vrai que c'est un autre format pour le coup, mais en fait, le truc, c'est, en tout, effectivement, tu l'as dit, et en fait, c'est très carré aussi ce qu'il fait, tu vois. Enfin, en fait, c'est con, mais parce que lui-même aussi, il me dit souvent qu'il prend pas trop de notes et tout, alors que je pense que si, enfin, il bosse quand même un minimum son sujet avant de lancer. Mais par contre, il a une force de savoir, en fait, donner un cadre à tout son propos, en fait, tout simplement, savoir où il va. Par quelle partie il va passer, etc. Et globalement, ça se tient bien. Et moi, c'est un gars que j'aimerais, que je verrais bien, tu vois, ne serait-ce que, je sais pas, moi, faire des petites conférences ou des trucs comme ça, ou même tenir. Merci. Ouais, mais voilà, mais même Ah mais tenir non, un putain, on truc. en avait parlé ensemble, je crois, en plus. C'est possible, c'est possible. Quand, Mais. bah, je crois qu'on avait parlé ensemble quand on s'était vu à Lyon, Ouais. où je, enfin, je vais pas le dire là de cette manière-là, parce que sinon, voilà, mais si un jour il y avait quelqu'un qui disait, oh tiens, je ferais bien une conférence Spider-Man, et qui pense pas à lui, mais Ouais. pour tenir l'auditoire et pour savoir de quoi il parle, bah en fait, c'est lui. Mais pas que sur Spider-Man, quoi. Sur un tas de trucs, En fait, il est tu vois, l'homme de la situation. exactement. Mais quand tu vois, je disais conférence aussi, bah, je pense par exemple aussi à des conventions comics, etc., ou des events dans ce genre-là. Ou par exemple, là, je crois que c'est ce matin que j'ai vu que y avait ils ont annoncé des trucs pour le Batman Day à Paris, là, où il y Comic aura une grosse. Dordian, du coup, qui va faire un truc, j'ai Ouais. vu, ouais. Voilà, ouais, j'ai vu passer l'info. Et je trouve ça cool, tu vois. Et alors là, je ne prends pas cet exemple-là juste pour parler des gens qui y sont, mais je parle en général dans ce genre d'événement. Il y a des fois où j'ai pu assister bah, à des Comic-Con à Paris ou alors là, oh merde, au Paris Fan Fest, voilà, où j'étais là cette année. Bah, en fait, il y a des fois des conférences où j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont là invitées pour soit pour tenir vraiment animer le débat ou alors inviter. Ben, j'ai l'impression qu'ils sont invités, mais en mode, c'est pas pour leur taper dessus, tu vois, mais en mode, genre, ils sont là un peu pour leur nom ou pour je ne sais pas vraiment quelle raison, mais des fois, ça se sent qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, tu vois, Ou malheureusement. juste pour le nombre d'abonnés qu'ils ont, la communauté qu'ils sont censés représenter. Mais il n'y a pas forcément la pertinence derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, potentiellement, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Après, je regarde pas assez de chaînes YouTube pour vraiment me prononcer là-dessus, tu vois, c'est juste une impression sur le moment même. Ou alors, Ben je la partage et sans. Parce que forcément, tu as forcément des gens qui vont dire oui, mais c'est parce que tu es jaloux qu'on t'a pas contacté et tout. ouais. Frérot, je m'en bats les couilles, mais alors à un point. Je crois que tu le soupçonnes même pas, mais c'est plus pour des. Bah, tu vois, Comic Con, je suis très content. Je suis très content pour lui. Il le mérite de par son cursus pro et tout. Je sais qu'il va faire forcément un truc super chouette, mais j'aimerais bien qu'un jour, ce soit pas tout le temps les mêmes personnes qui soient sollicitées pour ce genre de truc, qu'on prenne éventuellement, bah, voilà, un petit risque et qu'on puisse voir. Bah ouais, je pense forcément à Anto, voilà, clairement. Non, clairement, Mais c'est alors clair. qu'il n'est pas demandeur en plus, hein, il va nous insulter, il va nous pourrir, hein, pour de vrai, hein, parce que. Ah, mais en même temps, il devait se douter. Enfin, je suis désolé. Là, tu vois, tu m'invites dans une vidéo, il y a un moment où on va forcément parler de ce bonhomme. Donc voilà, c'était logique. Et en Mais plus, tout ce que j'ai coupé où on dit du mal de lui en plus, pas en du tout. plus, oui, forcément. Exactement, mais ça, c'est les parties préférées d'ailleurs. C'est dommage que tu les vois pas. Non, mais enfin, voilà, pour revenir du coup à ce que tu me demandais, en fait, c'est vraiment le côté de voir effectivement son taf et tout. Moi, ça m'a donné un peu envie, forcément. Et puis même le côté podcast et en fait, le live en lui-même, tu vois, pour l'instant, effectivement, je veux dire, j'ai ouvert une chaîne YouTube quoi, il y a 4 mois, j'ai fait un live et c'est tout. Alors là, le deuxième, j'aimerais bien en faire un deuxièmement rapidement parce qu'il y a deux, trois trucs dont j'ai envie de parler. Mais par contre, je ne me vois pas faire ça comme lui fait, par exemple, en mode ou comme toi, tu veux faire des vidéos très régulièrement, etc. Je ne me vois pas faire ça parce que ça ne serait pas le format que j'ai envie de faire. En fait, tu vois, je n'ai pas envie de faire ça. Pour moi, c'était plus un défi de me dire, OK, je sais que je ne suis pas à l'aise forcément à me mettre en avant. Je ne suis pas à l'aise avec certains trucs et tout, où je trouve que. Même si maintenant, tu vois, après 10 ans de comics, ok, j'ai des bases, ok, je connais quand même effectivement des choses, mais pour moi, c'est jamais forcément assez. Et du coup, il manque toujours des trucs, tu vois. Donc, quand tu n'as pas forcément une estime de ouf, tu te dis, ouais, mais en fait, frérot, tu es gentil, mais qu'est-ce que tu vas dire de vraiment impactant, pertinent, etc. Et pour le coup, le live, ce que je trouvais drôle, déjà, de le partager avec Anto, c'était très bien parce que je ne voyais pas de son quelqu'un d'autre pour le faire, très honnêtement. Je suis resté vraiment me dire on va rester focus, en gros pour les gens qui n'auraient pas vu, je pense que c'est dans le mot et vous avez raison, c'est pas forcément grave, mais en gros le principe c'était juste de faire un live en me disant ok, de base je me suis dit on va parler peut-être d'une BD, d'un peu de prendre une BD par éditeur, tu vois, voilà, et de parler de ça, et de rester dans du comics, pas forcément parler de super-héros, parce que c'est pas l'envie du moment, que je me dis il y a déjà bien assez de gens sur YouTube, en podcast, etc., qui en parlent. Et ils n'ont pas besoin de moi, en fait. Enfin, Panini, Urban, je ne pense pas que ce soit ceux qui soient le plus... Alors, ils ont besoin quand même, tu vois, mais disons que ce n'est pas ceux auxquels je vais penser tout de suite quand je vais parler de comics. Je préfère parler d'indé, pour le coup, de plus petites boîtes, en tout cas avec d'autres propositions, peut-être plus délicates. Et ouais, dans l'idée, c'était ça. On a partagé, tu vois, quatre comics chacun, et chacun notre tour et tout, à rebondir un petit peu dessus. Et moi, vraiment, le but, c'était ça, c'est de me dire, OK, est-ce que je suis capable d'animer avec vraiment des gros guillemets, de tenir vraiment le truc, est-ce que je suis capable de rebondir sur ce que lui-même me dit, etc. Enfin, voilà, c'était vraiment un peu un défi. Ouais. Et du coup, pour finir, oui, voilà, le but n'est pas forcément d'amener cette chaîne YouTube quelque part. Si j'ai envie de faire un live, j'en ferai. Si je n'ai pas envie, j'en ferai pas. Et tant pis, c'est pas grave. Tu vois, genre, les gens ont bien assez de propositions comme ça pour ne pas que ce soit un manque non plus. Tu vois, si je me dis, bah non, finalement, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de live, c'est pas grave. Mais par contre, effectivement, le format podcast, ça, pour le coup, j'aimerais bien que ça arrive à terme un jour ou l'autre. Et j'aimerais bien rapidement, mais on verra ça. Voilà. J'aurais une toute dernière question, mais avant, je veux juste te dire, je n'ai pas de légitimité pour te dire ça, mais je vais quand même te dire un tout petit mot là-dessus, puis te dire aussi pourquoi j'avais envie, en fait, de discuter avec toi et pourquoi j'avais envie en fait de faire une histoire de fan de comics avec toi et pourquoi j'étais mais persuadé que au-delà de ton parcours et tout mais que ta personne, ta manière d'expliquer les choses, de parler en fait de ta passion, en fait c'est en soi c'est passionnant pour de vrai hein. Pour de vrai, on vient de passer 2h30 en fait ensemble. J'ai pas vu du tout passer le temps quand je t'ai vu à Lyon et qu'on a pu discuter tout de tout ça. Ça, c'est un truc en fait. Si tu veux, que j'ai vraiment ça m'a accueilli et je l'ai senti en fait. Si tu veux, cette manière en fait de présenter les choses et en plus d'avoir des goûts, évidemment, les goûts de chacun nous sont propres. Mais tu as des goûts qui te sont vraiment propres, qui sont peut-être singuliers, que je qualifierais de singuliers parce qu'en fait, ils sont peut-être différents en fait, des miens. Et tu as une manière en fait, d'en parler qui te donne envie, si tu veux, d'aller tenter sa chance et de « tiens, pourquoi je n'irais pas voir ça ?» et tout. Tu as une manière de faire vivre les bouquins dont tu parles qui t'est tout à fait personnelle. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé... hyper intéressant à la fois ce soir mais que j'avais vu aussi quand on s'était vu à Lyon, mais attention, enfin c'est juste mon avis hein, c'est que profondément t'es quelqu'un de véritablement humain et dans le partage. Et dans le partage, il n'y a pas simplement en fait prendre la parole et dire ce qu'on a à dire, mais aussi dans l'écoute, tu vois. Et je voyais bien, en fait, Léon, tu vois, que quand je te disais des trucs, tu vois, t'écoutais, t'analysais ce que je te disais, ça te permettait, en fait, de rebondir, d'emmener un autre sujet, d'un truc. Et ça peut paraître tout con, ce genre de choses, mais avoir du cœur et aimer ce dont on parle et avoir envie aussi d'écouter les autres pour pouvoir rebondir et apporter une pièce, en fait, à un puzzle qui est juste une culture commune, et on a tous quelque chose à y apporter, et ben je trouvais ça génial. Et en même temps, je voyais bien et je sais ce que c'est, tu vois, c'est super difficile de se lancer sur les réseaux. J'ai eu extrêmement peur pendant des années, en fait, de le faire, mais vraiment, j'avais la trouille. Les gens connaissent peut-être l'anecdote, mais avant que je lance ma chaîne, j'écoutais les trucs, tu vois, de lescomics.fr, tout ça. Un jour, ils étaient passés à Lyon et j'ai dû parce que je suis timide aussi, et j'ai dû tourner 6 fois autour d'eux avant d'avoir le courage de me dire « Attends, on va quand même les voir et leur dire bonjour, parce que t'adores ce qu'ils font. » Il y avait Yanda, il y avait Retrophile, et j'avais envie juste d'aller leur dire bonjour. J'avais pas de chaîne, j'étais personne, tu vois, pour te dire à quel point c'était difficile, si tu veux, pour moi. La première fois que j'ai dit « Tiens, je vais essayer de faire une vidéo », c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Mais à la fin, tu te rends compte que c'est vraiment gratifiant, et que quand tu te prends pas pour ce que t'es pas, bah forcément, t'as forcément des choses à apporter. Et si t'as juste un truc à retenir de tout ça, juste de mon avis, qui n'en fait pas une vérité, et c'est juste mon avis, mais je pense qu'il va être relayé dans les commentaires, c'est ne doute absolument pas qu'on a des choses à peut-être pas apprendre de toi, mais comme les gens n'apprennent pas de trucs de moi, mais par contre, t'as des choses à nous faire partager, et je sais que tu fais partie des gens que j'aimerais suivre. Podcast, dans ce que tu veux, mais je sais que j'aimerais t'écouter, vraiment. Et c'est pour ça, tu vois, que j'avais envie de discuter avec toi, en fait, voilà, de faire cette soirée pour pouvoir taper la discute avec toi, parce que c'était une vraie belle rencontre, j'ai trouvé que tu étais une personne extraordinaire, et j'avais envie de t'inviter, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. C'est compliqué de rebondir derrière, tu vois. Non, mais il n'y a rien à rebondir du tout, frérot. Je vais enchaîner. Ah ouais. Non, mais... Je suis un connard, mais j'ai des principes et je mens pas sur ce genre de choses. Je dis toujours la vérité. Voilà. C'est très bien. Et j'apprécie le côté honnêteté et tout. Et le son, c'est un plaisir. Je te dis, le son, j'aurais pas forcément accepté pour d'autres chaînes, parce que bon, je ne connais pas, donc les mecs non plus me connaissent pas, donc c'est pas très grave, mais j'aime bien le format aussi, tu vois, le format justement de raconter des différents parcours, même pour des gens qui sont complètement unknown comme moi, on s'en fout, tu vois, genre ça pourrait être n'importe qui, mais il y a plein de gens à qui demander, et comme les gens ont tous un parcours différent, ça peut toujours être intéressant, mais tu vois, là, le côté personne intéressante, moi aussi, bah, par exemple, je sais que ta chaîne, moi j'ai beaucoup suivi aussi, alors un peu au début aussi, quand tu étais vraiment que toi en fait, mais aussi à la période de la rubrique geek où j'ai beaucoup beaucoup suivi, parce que je pense comme beaucoup de gens à mon avis, mais il y avait vraiment le côté avec Dram et Spider-Man, ça fonctionnait hyper bien, je trouvais le mélange des trois personnes. Moi, j'avoue que je me retrouvais beaucoup aussi dans les goûts de drame, parce que c'est des pakistanaises. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de trucs qu'on avait en commun en termes de goût. Et moi, je sais que c'est quelqu'un à qui j'ai aimé discuter, qui une fois m'avait fait le plaisir de passer justement à Lyon et qu'on avait pu justement se voir une soirée. Donc c'était hyper cool. Ça fait hyper plaisir d'avoir des rencontres comme ça et de gens pareil, voilà, qui partagent des trucs un petit peu similaires ou partagent de passion, simplement, c'était vachement bien. Et ouais, c'était une très bonne période sur YouTube. Et forcément, quand ça s'est arrêté, c'était un petit peu triste, tu vois. Mais en même temps, chaque bonne chose a une fin, tu vois, dans un sens. Contrairement à DC et Marvel qui étaient éternellement recommençants, mais ils ont également des bonnes choses, évidemment. Mais voilà, il faut savoir mettre aussi des fois un point d'arrêt, un truc, et c'est cool que ça soit passé comme ça. Et voilà, enfin, moi, j'ai trouvé vraiment le format, en tout cas, était hyper cool. Et c'était un plaisir de retrouver à chaque fois, chaque émission, le live et tout, quand c'était annoncé, peut-être des fois même au dernier moment, c'était hyper cool de dire « Ok, ce soir, je passais un bon moment, même juste chez moi, écouter, ça va être hyper bien. » C'est des concours de circonstances en fait qui ont fait qu'on a fait ça. Après, il y avait aussi Jules et Nico qui sur la fin aussi nous avaient rejoint, et voilà. Mais c'est vrai que naturellement, quand je pense à la rubrique geek, et je sais qu'ils ils m'en porteront pas ombrage, mais je pense forcément à Spider-Man et à Dram, où ça s'était fait en fait de cette manière là, et il y avait une complémentarité, une confiance entre nous, et en même temps, c'est vrai qu'il y avait on avait tous les trois des profils extrêmement différents. On avait un qui est la vingtaine, l'autre la trentaine, l'autre qui arrivait vers la quarantaine, un qui était vraiment très très super-héros, moi, Spider-Man qui était un petit peu entre les deux, très super-héros mais aussi très indé, et Dram qui était très indé et de temps en temps un petit peu super-héros. Et puis avec la volonté, voilà, de partager, de pas mâcher ses mots, de pas lécher le cul à qui que ce soit, Voilà, mais sans faire du mal, hein. On n'était pas là pour faire du mal, mais on n'était pas là non plus pour tailler des pipes à qui que ce soit. Enfin, non, on essaye de dire la vérité, et c'était super intéressant. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi, tu vois, de faire des trucs en équipe et tout. J'ai fait beaucoup de trucs en fait dans ma vie en équipe. Et c'est vrai que tu vois, moi je m'étais. Oh, putain, on parle plus du tout de toi là. Du coup, non, mais... c'est toujours dans le thème, on est bon. Hein. mais juste ça, et après voilà. Mais tu vois, je m'étais aperçu que toute ma vie, en fait, j'avais eu envie de faire des trucs en équipe, à plusieurs. Enfin voilà, j'aime beaucoup les projets collectifs. Et il y a eu un moment donné aussi où je me suis rendu compte, peut-être en vieillissant, qu'il y avait un côté entre guillemets. Confortable, c'est-à-dire que quand tu es à plusieurs, si ça marche pas, s'il y a une couille, s'il y a quoi que ce soit, bah tu peux te cacher un peu derrière les autres. Et c'est une manière, si tu veux, de pas assumer. Voilà. Et le fait d'arrêter ça, c'était aussi l'idée de me dire, assume de vouloir, tu vois, juste faire ta chaîne YouTube, les rubriques de G, d'avoir envie de faire tes vidéos, d'avoir envie de faire les lives, de prendre tes décisions, de te casser la gueule sur certaines émissions, de réussir sur d'autres, d'avoir envie de gagner des abonnés, enfin, fais-le, tu vois, fais-le, essaye de jouer le jeu à fond, mais sans vendre quoi que ce soit, en fait, de mes valeurs et de ce que je crois, tu vois. Voilà, ça, c'est le plus important pour moi. Et en même temps, voilà, le côté arrête de te cacher et assume. Et je trouve que, bah, du coup, c'est une nouvelle vie depuis quelques années, tu vois, sur ma chaîne. Et ça marche aussi très bien. Enfin, voilà, ça marche très bien. Et voilà. Mais c'est plusieurs étapes, en fait, dans la même vie. Mais je reste... puis de toute façon, enfin, voilà, tu sais, Drame, Spider-Man, c'est des gens, évidemment, qui me sont très, très proches et pour toujours. Parce que c'est une aventure assez incroyable qu'on a fait ensemble, quoi, vraiment. Et il y a vraiment plein de gens où je me rends compte que cette période les a marqués, quoi. Vraiment. Oui, complètement. Et voilà. Non, mais c'est, en même temps, c'est intéressant parce que, tu vois, quand tu dis le côté honnête et puis de faire une chaîne tout seul, tu as raison, c'est un côté, effectivement, de ne pas se cacher, en fait, de ne pas avoir de renfort, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est ça, c'est vraiment, si tu dis de la merde, si on voit que tu galères, etc., bah, tu peux pas vraiment t'en sortir autrement qu'en essayant avec toi-même, quoi. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'avoue que j'aurais du mal à faire ça parce que je pense que là, je préfère juste faire un truc collectif parce que ça m'amuse plus, en tout cas. Mais et puis parce que de moi-même, je ne me sens pas forcément l'envie pour l'instant, en tout cas, de faire un projet comme ça, absolument l'autre, même pour un truc que j'aime beaucoup. Mais après, là où c'est assez intéressant, c'est comme tu disais, tu vois, de ne pas non plus aller flatter qui que ce soit forcément, même si tu n'en penses pas un mot ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est important aussi de parler des trucs que tu n'as pas aimé. Et c'est, je trouve, assez compliqué quand même sur une plateforme quand même qui est censée proposer quand même beaucoup de divertissement, de pas le faire de manière où il y a que du trash, c'est où oui. Vraiment tu vas juste défoncer un titre gratos et puis terminer, quoi. Enfin, tu vois, après pour le coup oui ça ferait des vues je pense à mon avis, mais c'est vrai que moi en tout cas je trouve pas ça hyper intéressant au final. C'est drôle 5 minutes, bon, à la longue peut-être que ça devient un peu redondant parce que juste je trouve qu'il y a un plaisir vraiment à partager vraiment les trucs que t'aimes, et en même temps de temps en temps c'est vrai que c'est important de dire aussi les choses que t'as pas aimé parce que peut-être qu'au final de parler que des choses que t'aimes, ça donnera l'impression peut-être à ton public que soit t'aimes tout, soit je sais pas, enfin il y a un truc peut-être aussi d'argumenter vraiment. Moi il y a un truc comme ça qui m'a fait marrer, tu vois, quand tu parles du Hulk par exemple de Donny Kay, ça me vient comme ça, mais parce que forcément c'est un des derniers, c'était quand même vachement gueulerie, mais c'est en mode oui, tu fais plein de vannes dessus et tu le défonces quand même un peu pour la vanne, mais en même temps, derrière, il y a quand même des arguments. Quoi. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs en mode, genre, t'expliques vraiment pourquoi, de ton point de vue, c'est pas bien. Quoi. Donc, ça, c'est quand même agréable. Pas juste de rigoler en disant, genre, bon, c'est juste de la merde et terminé. Quoi. Enfin, après, tu peux le faire une fois de temps en temps, mais disons que ça va jamais bien loin, et puis ça a toujours une incidence. Et quand tu fais que des trucs comme ça, tu sais que tu vas attirer un certain type de personnes. Quand tu fais d'autres trucs. Enfin, suivant ce que tu produis, bah, tu récoltes en fait ce que tu sèmes. Si tu manges tous les jours du McDo, bah, à un moment donné, tu sais que tu vas construire un corps de merde. Et si, enfin, tu peux en manger, tu peux faire un truc un peu comme ça de temps en temps, mais si c'est tout le temps, ça peut pas. C'est pas vertueux. Non, c'est clair. C'est clair. Mais c'est intéressant du coup de voir aussi le parcours. Est-ce que toi, tu as envie de mettre dans ta chaîne YouTube ou dans tes projets, qu'importe lesquels ils sont, mais c'est hyper cool, quoi. Mais ouais. Voilà. Bref. En tout cas, oui, non, la période Rubrik Geek et tout ça, c'est très très cool. Et les petits projets comme ça, je pense en collectif, effectivement, c'est un truc qui me plaît bien. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire ça en version podcast, parce qu'en plus, il n'y a pas la version forcément vidéo ou. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à me réentendre derrière, donc me voir et m'entendre les deux ensemble, pas forcément évident, tu vois. Mais ouais, au moins le podcast, ça donne ce côté-là un peu où juste t'as la voix. Et puis en plus, c'est un format qui est. Alors maintenant, il y en a tellement des podcasts en plus sur absolument tous les sujets, mais j'ai l'impression que ouais, t'as tout le monde qui fait son petit podcast de son côté. Mais c'est vrai que, bah, je sais pas, c'est plaisant parce que justement, tu peux écouter ça. Dans n'importe quel moment, tu en voiture, en faisant ta vaisselle, ce que tu veux. Enfin, c'est vraiment Ah, moi j'adore les enfin ouais je consomme beaucoup beaucoup de podcasts aussi, mais des trucs vraiment divers. Mais d'ailleurs, enfin, ça nous est arrivé, tu vois, d'en parler avec Drame, tu vois, des trucs des podcasts sur des anecdotes, des histoires d'avocats, de machin, des trucs. On doit être 30 à écouter ça. Et en fait, non, on est plein. Et mais ouais, moi j'aime beaucoup parce que c'est des trucs en fait qui t'accompagnent ouais, quand tu roules, quand tu fais le ménage, quand tu fais à bouffer, quand tu voilà. Et j'aime bien. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Et c'est aussi pour ça que tu vois les émissions longues comme celle-là, bah, j'aime bien les balancer en podcast après, parce que je sais que bah, du coup les gens ils aiment bien aussi le consommer de cette manière-là. Tu vois, vu qu'on est sur un temps long, bah, du coup ils peuvent écouter les intégrales, les histoires de fans de comics aussi comme ça, quoi. Voilà, au choix. Ouais, puis le choix du comment dire l'émission en elle-même s'y prête vachement à ce format-là en fait, Ouais. donc c'est parfait. Ouais. Et j'ai une dernière question. Après, je te laisse tranquille. Pour un Ouais, qui ça était fatigué, mon pote, je t'ai tenu va. 3 heures. Ouais, on a commencé tôt, donc du coup ça va, tu vois, c'était quand même correct. Vas-y, vas-y. En imaginant que tu puisses rencontrer ton artiste favori, peu importe, scénariste ou dessinateur, déjà, qui ce serait, où c'est que tu pourrais l'emmener manger? J'ai un gros rapport à la bouffe. Qu'est-ce que tu aimerais en fait lui faire manger, et quelles questions en fait t'aimerais lui poser? Putain, c'est dur. Fallait que je parle de bouffe à un moment donné. Ouais, mais en plus, je crois que tu l'as déjà posé, donc j'aurais dû m'y attendre, mais j'ai complètement c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, dans les scénaristes ou dessinateurs préférés, il y aura beaucoup d'anglophones. Et j'ai pas non plus Trouve. un niveau d'anglais. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. J'ai pas non plus un niveau d'anglais exceptionnel. Mais imagine un Donc, truc idéal, hein, t'as un oui, traducteur si t'as bien sûr. besoin, bah, quitte à imaginer, je te mets bien. Oui, c'est très cool de ta part, je t'avoue. Non, alors c'est quoi? Je vais la faire en deux parties, pareil. Je vais essayer pareil, de faire court, mais ça va être en deux parties. Effectivement, au mieux du mieux, ça serait bah, justement un lémur ou un urasawa, parce que c'est les deux mecs qui m'ont le plus touché, en tout cas pour l'instant, avec leurs histoires, à deux raisons très différentes, mais c'est eux qui m'ont le plus marqué et qui me font vraiment. Qui font partie de ces auteurs qui me font vraiment aimer ce format de la BD en vrai. Je sais que je serais très content de voir des adaptations de leurs trucs. Ça a déjà été fait et pas toujours réussi. Mais clairement, voilà, je ne sais pas citer de trucs, mais clairement, ouais, ces mecs-là, et des dessinatrices aussi, des autrices aussi, mais là, ces mecs-là vraiment sont vraiment hyper importants. Et ils me font aimer la BD plus que tout parce que ça parle leur manière de raconter des histoires. Et j'adore qu'on me raconte des histoires. J'adore ce truc-là. Et voilà, ça c'est un plaisir. Où les emmener manger? Alors par contre là, c'est une galère parce que moi justement, j'ai pas trop ce rapport à la bouffe. Genre, je cuisine pas beaucoup, je mange en ce moment vraiment n'importe quoi en plus. Mais voilà, donc j'avoue que j'ai pas vraiment d'idée particulière où les emmener bouffer. Ça me ferait chier de les emmener dans un truc un peu basico, tu vois. Genre, je sais pas moi, aller bouffer un burger, j'en sais rien, un truc. Même si, franchement, ça me ferait bien kiffer. Mais peut-être me renseigner peut-être un peu avant sur leur goût à eux, tu vois, et me dire, ok, peut-être que ça me donnera l'occasion, même moi, de découvrir quelque chose. Je suis pas habitué, tu vois, même en termes de bouffe, c'est toujours cool aussi de découvrir des trucs. Alors, c'est sûr que s'ils m'emmènent sur un truc ultra épicé, je vais l'avoir mauvaise parce que du coup, je supporte pas, donc bon, bah tant pis. Le repas va peut-être pas super bien se passer, mais ouais, ça serait ça. Et en termes de questions, franchement, hein, une question particulière comme ça, c'est dur. Franchement, c'est hyper dur hein, parce que j'aurais envie de revenir sur. Ben, en fait, limite, j'aurais envie de leur faire une interview, quoi. C'est vraiment en mode de revenir sur leur parcours. Qu'est-ce qui les motive à écrire des histoires? Pourquoi ils choisissent toujours finalement des thèmes qui reviennent, surtout pour l'émir, enfin, mais comme ça, et voilà, il y a souvent les mêmes marottes, etc. Donc, pourquoi il fait ça? Là, tu vois, dernièrement, j'avais entendu justement sur First Print, là, ils avaient invité l'émir là, pour la série d'interviews qu'ils font avec Urban là, tous les mois. Et son interview était vraiment excellente d'ailleurs, mais c'est sûr que sur 1 heure, bah, je peux pas tout aborder, et il y a plein de choses encore que j'aimerais bien lui demander, mais. Là, comme ça, tu vois, j'ai pas de questions particulières qui me viennent. Je pense que ça viendrait en fait au fur et à mesure de la discussion. En Tu mode, voudrais vivre le moment, quoi. ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, de commencer vraiment limite, tu vois, bah, tu parles de tout et de rien en mode, bah, tu parles juste de ton repas, c'est machin. Et puis, je sais pas, ça va t'amener des idées. Et puis voilà, tu vas commencer à faire. Je pense que surtout au début, je serais extrêmement intimidé en mode, genre, putain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, bordel? Et en même temps, c'est le moment parce que ça serait effectivement un moment assez unique. Et juste, du coup, ça c'est pour le côté idéal, parce que si jamais, effectivement, il y a le côté traducteur ou anglais, etc., qui est au top, ou même japonais pour le coup, pour le côté Urasawa. Mais du coup, si je dois citer plutôt un auteur, et là ça serait plutôt une autrice du coup française, auquel je pense que j'aime vraiment beaucoup, et qui, moi, mon autrice, je pense, de BD, je sais pas si c'est mon autrice préf, mais il y a vraiment de ça. Que j'aime tout ce qu'elle a fait quasiment, c'est une nana qui s'appelle Claire Fauvel et qui a fait. J'en parle à vite fait parce que j'avais envie de le placer au moins une fois dans cette vidéo, tu vois. Fais-toi plaisir. Voilà, où en gros, elle a fait un peu tout. Elle a fait une BD jeunesse où elle ne faisait que dessiner. Elle a fait quelques BD plus adultes, dont une qui est une BD biographique qui s'appelle Fulane Devi, voilà, qui parle en fait d'une nana indienne qui a eu une vie, mais vraiment. De merde, elle est compliquée à tous les niveaux, mais qui a eu vraiment un Tout ce que parcours. t'aimes. Voilà, mais exactement, et j'ai adoré, c'est extrêmement dur. Il y a des passages vraiment extrêmement durs à lire, mais que je trouve vraiment très bien foutu. Ce que j'avais bien aimé d'ailleurs dans la BD, c'est que elle le dit dans la préface ou dans la postface, je ne sais plus, où elle dit qu'elle a essayé, elle s'est basée en fait sur une interview de la personne en question, et elle a essayé de retranscrire ça le plus fidèlement possible, en mode, elle n'a pas essayé de chercher à voir si. Dans l'interview, qu'est-ce qu'elle avait un petit peu peut-être surinterprété ou tu vois, un peu fictionné le truc, mais de retranscrire ça de manière la plus brute possible. Et ça, je trouvais ça vraiment excellent. J'aime beaucoup son dessin, son trait de base, de toute façon, je trouve ça très beau. Elle a fait aussi une BD qui s'appelle La nuit et mon royaume, qui là parle plus d'une BD un peu d'un rapport plus adolescent, on va dire, mais ça parle beaucoup de musique et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, y a ça. Et j'ai eu la chance en fait déjà de la voir en dédicace. À pouvoir discuter avec elle pendant un bon moment. Et du coup, renouveler l'expérience me ferait vraiment très plaisir parce que c'est vraiment quelqu'un qui était hyper agréable, très intéressante à écouter sur son parcours, sur la manière dont elle aborde son travail, etc. Et j'ai très très hâte de voir la prochaine. Et pour la petite anecdote rapide, parce que ça, c'était vraiment un de mes trucs de ma vie que j'ai trouvé fou, mais. Je bossais plus dans la enfin c'était une librairie en gros la dédicace c'était une librairie dans laquelle j'ai travaillé avant et en fait elle était là-bas en dédicace mais moi j'y travaillais plus à ce moment-là et à la fin en gros mon ancienne collègue donc libraire lui propose de partir en fait avec une BD voilà ils font ça en général pour tous les auteurs et autrices qui viennent dédicacer en mode pouvoir partir avec ce que vous voulez quoi. Et du coup elle m'avait demandé elle et donc la personne avec qui elle était accompagnée avec un autre auteur qui était Thomas Gilbert. En gros, ils m'ont demandé tous les deux, en gros, ok, bah, qu'est-ce que tu nous conseilles? Genre, ils m'ont posé la question à moi, tu vois, en mode, genre, alors que, bah, ils avaient des libraires autour qui étaient censés, tu vois, et qui pouvaient aussi leur répondre. Et en fait, je t'avoue que d'avoir une autrice dont j'adore le travail et dont j'aime beaucoup la personne, qui m'a demandé un conseil, à qui j'ai pu conseiller ma BD préférée. Voilà, j'avoue que je suis allé là-dessus parce que je lui ai fait le pitch, ça l'a intéressé, elle l'a prise. Et j'ai eu la chance, quelques mois après, en plus, d'avoir un retour de sa part via une autre autrice à qui j'ai parlé et qui est hyper pote avec elle, en fait. Et elle lui a envoyé un message, du coup, sur la forme. Et du coup, elle a répondu en mode qu'elle avait adoré et que, du coup, elle l'avait même à ce moment-là donné à sa sœur et tout, pour pareil, pour qu'elle la lise, etc. J'étais genre, putain, c'est trop bien. Et vraiment, toi, c'était un petit goal, tu vois, de vie hyper plaisant à me dire, bah, c'est génial quand même d'avoir pu conseiller ma BD préf à une de mes autrices préférées. Ça, c'était vraiment un moment de fou. Et voilà, c'est juste d'avoir un moment un peu humain avec la personne, de voir aussi, c'est con, mais les auteurs autrices de BD en général, bah, tu vois, ils me paraissent toujours plus abordables, en fait. Je sais pas, moi, par exemple, que des acteurs, des actrices, etc. Ça peut être cool, ouais. Parce qu'il y a vraiment des gens où c'est pas forcément le cas, mais le médium fait que, comme ça touche moins de gens aussi, t'as l'impression aussi qu'ils sont plus abordables, tu vois. Et en plus, quand derrière, la personne est hyper cool, c'est royal, c'est vraiment royal. Donc ouais, moi, refaire un petit repas, tu vois, voilà, avec elle et tout comme ça, à discuter de boulot, de tout, de rien, de plein de choses et tout, c'est passionnant. Puis de voir effectivement comment chaque auteur construit ses histoires, comment il travaille, ça c'est passionnant et on irait là-dessus. Voilà, donc il n'y a pas de question particulière, juste globalement m'intéresser en fait à la personne, parce que cette personne-là a réussi à m'intéresser à son travail et à me vendre une histoire qui m'est restée et qui va me marquer pour un grand moment. Donc ça, c'est le mieux. Voilà. Et ça te résume bien, hein, je trouve. Je trouve que ça te résume bien. Tant mieux. Mais voilà, c'était très long comme réponse, hein, désolé. Mais... voilà. Franchement, c'était super bien. J'espère que tu as passé un bon moment. Un très bon moment. C'était hyper cool. Je m'attendais Imagine, pas là, tu me dis non, c'est de la merde. Je reste dégoûté. J'espère vraiment que tu es prêt, tu vois, derrière, parce que sinon, ça ne va pas donner un très bon exemple. Je ne coupe strictement rien, c'est tout en une prise, et c'était génial, franchement. Alors, je suis très content, j'ai passé un super moment. Alors évidemment, si je ne suis pas trop mauvais, quand même, en description, il y a le lien de ta chaîne YouTube. Ok, bah, écoute... Ce qui est quand même important. Je suis à peu près certain que vous avez trouvé cette émission et ce moment passionnant, non pas pour moi ni quoi que ce soit, mais pour la valeur de l'invité. Et je suis à peu près certain que du coup, bah, ne serait-ce que par intérêt, par goût, par soutien et puis par curiosité, vous irez jeter un œil à cet unique live qui viendra peut-être se voir agrémenté d'un petit frère d'ici quelques temps. Ça, j'en doute absolument pas. Et n'hésitez pas à suivre Aurélien, à vous abonner. Et je mettrai également en lien ta page Instagram. Donc, je vous prierai, braves gens, d'avoir la gentillesse, l'extrême obligeance bah, d'aller suivre Aurélien, voilà, si vous le souhaitez, évidemment, parce que si vous ne l'aimez pas, ça ne sert à rien. Enfin, à un moment donné, vaut mieux... Aller sur moi directement, bon, il faut quand même... on va voir, ça va dépendre peut-être. Hein. Si vous vous abonnez que vous ne l'aimez pas, vous êtes taré, quoi. Mais à un moment donné, si, voilà. Je suis sûr qu'il y a forcément des choses qui vous ont intéressé et que vous vous dites, tiens, fais voir que je m'abonne, que je le suive. Je suis sûr que je pourrais avoir de temps en temps d'excellents conseils. Moi, j'en suis certain. Oui, puis en plus, là, j'essaye vraiment de me dire qu'il faut que je me remette justement à reparler de BD un petit peu sur ce compte, parce qu'il y a eu une période là-dessus, j'ai eu beaucoup de gens souvent qui s'étaient abonnés à cette époque-là. Et les pauvres, je les ai laissés un petit peu dans la panade après, clairement. Mais non, là, le but, c'est vraiment d'essayer de refaire un peu ça, mais toujours sur un rythme qui sera le mien, clairement. C'est-à-dire, quand j'aurai envie et quand j'aurai la motivation de parler d'un titre, parce que clairement, je ne veux pas forcément parler de tout ce que je lis, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, je trouve. Il y a des trucs auxquels on n'a rien à dire. Mais écoute, dans tous les cas, moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo-là avec toi. Ouais, c'est gentil. Franchement, c'était très très cool. Je m'attendais vraiment pas à faire 3 heures, tu vois, là, comme ça, à discuter, mais très bien. Et voilà, enfin, c'était super cool. Donc, et puis, juste un truc aussi pour les gens qui auront écouté jusque-là. Si vous écoutez en podcast, tant mieux. J'espère que le son sera bon. Et pour ceux qui regarderaient la vidéo, bon, bah, désolé pour les petites coupures de caméra, mais. Ma connexion étant ce qu'elle est, voilà, on fait ce qu'on peut, ouais, simplement. Non, franchement, il y a pas eu, il y a de temps en temps en fait où ça fait un petit freeze et tout, mais le son était bien, le propos était intelligible. Donc, franchement, aucun problème. Et ben voilà, et ben écoutez, je crois qu'il nous reste plus qu'à se claquer tous de bises et à se dire à bientôt sur la toile, comme dirait notre ami en commun. Merci de nous avoir écoutés. Vraiment, j'insiste, allez en description et allez donner de la force à Aurélien. Ça peut être très sympa, vous ferez un très très joli cadeau. Donc n'hésitez pas, que tous ces bons conseils servent à quelque chose. Voilà, n'hésitez pas, c'est finalement vous qui serez récompensé, parce que vous allez apprendre plein de trucs et partager des choses extrêmement intéressantes avec quelqu'un de bien. Merci de nous avoir écoutés, merci Aurélien d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Merci. Je ne sais toujours pas comment on finit bien une émission, mais je vais la finir comme ça. À bientôt dans la rubrique 2G. Salut, bisous, à plus.